bonsoir, bonsoir chez vous, bienvenue. Il est à 20h34, nous sommes en direct sur Radio Arc-en-Ciel pour la Red Arc du Sport. Comme chaque lundi, ravi de vous retrouver en ce lundi 16 décembre. Plus que 3 émissions avant le 2025. Voilà, donc on est pénultième ce soir. On va bien sûr retrouver Hugo tout à l'heure dans une demi-heure pour la page football, bien entendu. On retrouvera Hugo donc dans une demi-heure. Et avant cela, eh bien tout le reste de l'actualité, hein, le flash résultat multisport, vous en avez l'habitude, hein, on a un petit peu tout ce soir, puisqu'on aura du biathlon, le ski, on aura du basket, du handball, avec des belles victoires, hein, pour Orléans en basket, pour Sarre en handball. C'était une belle semaine, un beau week-end pour les sports en salle. Par contre, malheureusement, défaite pour l'USO pour le dernier match de l'année à Nancy, qui ne terminera pas l'année à leader, mais qui reste quand même bien placé. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, sur le reste de l'actualité, bien sûr, rugby également. Et puis, bien sûr, la page foot avec également la Ligue 1, la Ligue 2. On aura aussi également les Coupes d'Europe, bien sûr. C'était les sixièmes journées de Coupe d'Europe cette semaine. Et puis on aura à venir la Coupe de France ce week-end. Et puis tout ce qui s'est passé à l'étranger, voilà, plein de choses. Des directs, bien sûr. La Ligue 2, c'est la 16e journée. À 20h45, Dunkerque, 4e, reçoit Caen, 16e. Dans 10 minutes donc, on aura un autre match aussi. Dans 10 minutes, un gros match en Italie, la Serie A, c'est entre la Lazio, 5e, et l'Inter Milan, 3e. Gros match en prévision dans 10 minutes. L'Inter qui aura l'occasion, en cas de succès, de revenir sur le Napoli qui est 2e. Et puis la Lazio qui pourrait repasser devant l'Inter en cas de succès. C'est très serré en Italie, on va y revenir tout à l'heure avec Hugo. Et puis autre match aussi dans un peu plus de 20 minutes, ce sera l'Angleterre avec Bournemouth West Ham à 21h, donc ce sera à suivre tout à l'heure. Voilà les directs de la soirée que l'on va suivre, donc ces trois matchs, Ligue 2, Italie et Angleterre. On va suivre ça en fil rouge tout au long de la soirée avec tous nos sujets, bien sûr. Et puis on terminera comme d'habitude les pronostics, le loto foot, c'était le dernier loto foot de l'année, et on aura les résultats, voilà, à quasiment mi-parcours, et il reste un petit peu plus que la moitié de la saison, mais on aura ce premier bilan avant la fin de l'année. Voilà ce qui nous attend. Et puis comme d'habitude, c'est vous qui choisissez la programmation. Vous n'hésitez pas sur le Facebook La Red Arc du Sport. Vous pouvez bien entendu aussi nous joindre sur ce biais-là, ou bien sûr vous pouvez aussi nous appeler pour intervenir en direct comme Hugo tout à l'heure. Vous composez bien sûr le 02 38 434 800 02 38 434 800 pour intervenir avec nous sur ce qui va arriver dans quelques minutes, et puis proposer aussi peut-être des choses, hein, n'hésitez pas. On en parle, bien entendu. Une pause donc, et on revient juste après pour lancer l'émission avec, je vous le disais, le week-end biathlon. Très beau week-end biathlon pour l'équipe de France, les Françaises et les Français qui ont réussi de belles performances sur l'étape du week-end. Et on présentera la prochaine, bien sûr, qui sera l'étape française. On en parle juste après donc cette première pause, et on se retrouve donc juste après pour lancer cette émission. Il est 20h38 et on écoute tout de suite ce son de Will Smith qui va se lancer tout de suite. C'est Just the Two of Us. On se retrouve juste après pour la première partie. À tout de suite sur Arc-en-Ciel. The first time the doctor placed you in my arms, I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough? Against wrong, choose right and be standing up. From the hospital that first night, took an hour just to get the car seating right. People driving off fast got me kind of upset. Got you home safe, placed you in your bassinet. That night, I don't think one wink I slept. As I slipped out my bed to your crib, I crept. Touched your head gently, felt my heart melt. Cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees, and I beg the Lord, please let me be a good daddy. All he needs, love,

Voilà, qui était quand même plus fort, hein, il faut bien le reconnaître, mais malheureusement il n'a pas pu se battre jusqu'au bout, le français. Il termine donc deuxième au sprint devant Lagred, l'autre norvégien, Samuelsson cinquième, Fabien Claude, notre français, neuvième donc de cette poursuite. Et puis on avait ensuite les relais pour terminer. Victoire pour les garçons devant la Norvège avec 49 secondes d'avance, auteur d'un sans faute au tour, pénalité 10 pioches seulement, qui ont été vraiment au-dessus sur ce relais. Et puis les Françaises deuxième, battues par l'Allemagne sur le dernier tir malheureusement. Une belle deuxième place malgré tout, la Suède termine, complète donc ce podium. Donc beau résultat d'ensemble pour la France, hein, qui a bien lancé cette saison de Coupe du Monde. L'épreuve qui arrive, c'est bien sûr Annecy, le Grand Bornand, l'épreuve française qui va avoir lieu donc à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Voilà ce qui nous attend pour cette troisième étape donc de Annecy, le Grand Bornand. Donc on a hâte d'y être. Voilà, donc avec un programme assez classique, hein, qui va nous attendre sur cette étape. Je vous le donne tout de suite, puisqu'on aura donc un sprint et une poursuite. Donc le sprint jeudi, vendredi, puis la poursuite samedi, puis les masters dimanche. Enfin, le classique du biathlon. Les trois épreuves reines donc qui vont avoir lieu sur cette étape jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, avec les hommes d'abord et les femmes ensuite. Voilà, ce sera l'inverse par rapport à l'étape de Dorschüden qui a eu lieu le week-end dernier. Voilà pour nos Français, nos Françaises qui vont donc être présents sur cette étape. Voilà, puis après il y aura une petite trêve avant de retrouver les fameuses étapes allemandes début janvier, Oberhof et Ruppolding, qui nous attendront donc pour la rentrée, pour la reprise en janvier. Voilà, on referme cette étape alors que c'est parti, hein, sur les deux directs de 20h45, donc Dunkerque-Caen. Je vous rappelle l'enjeu pour Dunkerque, c'est de revenir sur le podium. En cas de succès, il pourrait même revenir passer juste devant Metz. Et puis l'enjeu pour Caen, c'est tout l'inverse, hein. C'est pour l'instant 16e, c'est essayer de remonter, sortir de cette zone rouge. Voilà, donc des enjeux divers pour ces deux clubs. Et puis donc c'est parti, hein, depuis une minute. Et puis d'autres matchs, c'est la Lazio face à l'Inter en Serie A. Et ça y est, c'est parti également entre deux équipes classées 5 et 3e, donc vraiment un gros choc donc dans cette Serie A. Et puis on aura donc dans un quart d'heure maintenant Bournemouth-West Ham en Angleterre. On change complètement de sujet puisqu'on va aller faire un tour du côté du handball avec notre étape donc de week-end qui était en Pro League, donc Saran qui s'est une nouvelle fois imposé avec une série de 7 victoires, hein. C'est vraiment une grosse série Saran pour l'instant, une grosse forme en ce moment, 6e victoire consécutive avec notamment un grand Nicolas Matovic dans les buts, 16 arrêts, hein. C'est énorme, 37% d'arrêts, c'est juste incroyable. La série du gardien saranais qui a eu lieu, donc on rappelle ce match qui était face à Caen au Palais des Sports samedi soir. Donc vraiment un récital dans les buts et puis offensivement également. Donc nouvelle victoire, 32-27. Il y a eu un petit trou, presque 10 buts et puis d'avance, et puis un petit trou d'air ensuite où les Canets sont revenus à 4 buts, mais finalement ensuite Saran a fini en roue libre le match pour s'imposer donc. Et revenir quatrième désormais. Quatrième à 2 points du podium seulement, qui est composé de Frontignan premier, Dijon et Célestat troisième. Donc vraiment une grosse série qui permet à Saran de revenir vraiment sur cette quatrième place et de confirmer leur statut de prétendant dans la course au play-off. Hein, on rappelle qu'ils sont composés de six premiers. Donc voilà, il faut y être à la fin de cette saison. Pour l'instant, ils y sont, il va falloir tenir un match encore avant la trêve. Ce sera vendredi, encore une fois au Palais des Sports, réception de Dijon, deuxième. Donc là aussi, gros choc, hein. Caen qui était quatrième, donc avant le match de samedi, victoire. Et là, il y aura Dijon, deuxième maintenant. Ce serait vraiment intéressant de s'imposer pour revenir encore un petit peu plus sur le podium. Donc c'est l'enjeu de vendredi, donc gros match en prévision Donc ce sera cette fois à Comet Arena, ce sera pas au Palais des Sports, ce sera à la Comet Arena. Alors il y a plus de place, il y a plus de place pour cette rencontre puisqu'il y aura en plus on le sait le showcase derrière de M Pokora. Donc belle fête à venir, on espère qu'une victoire ce serait l'idéal. Et ensuite bien retour à la compétition en février, hein, je vous le rappelle puisqu'il y aura la trêve et il y aura ensuite le championnat d'Europe pour les Français, pour l'équipe de France. Donc il va falloir tout le mois de février pour tout le mois de janvier pour cette compétition. Donc on aura une grosse trêve du coup pour les clubs. Donc reprise en mois de février, ce sera au mois de février, c'est ça, avec un match qui sera pour Saran à l'extérieur à Nancy. Voilà, le 7 février, mais d'ici là la trêve pour les fêtes bien entendu, et puis ensuite la trêve pour les championnats du monde, enfin la championnat d'Europe, les championnats du monde qui auront lieu donc en Allemagne, avec un rappel pour les Français, on peut faire un petit rappel, l'Autriche, le Koweït et le Qatar, voilà au programme pour la phase de poule de cette équipe de France. Donc ça rend, en tout cas tout va bien. Changement en revanche en Star League de leader, puisque Paris a été battu pour la première fois de la saison par Nantes, 34-31, belle victoire de Nantes qui s'empare de la première place pour la première fois de la saison, à égalité avec Paris. Ça se joue à différence de but particulière, en tout cas c'est Nantes pour l'instant qui est leader, Montpellier juste derrière. À noter que pour cette journée, Chartres s'est imposé face à Aix et pointe à la 7e place. Donc bon début de saison pour Chartres qui est 7e ce soir. Et puis un petit mot de Ligue des Champions pour revenir sur nos deux clubs. Paris 2e, de cette Ligue des Champions à 3 journées de la fin, 4 même journées de la fin, avec une victoire c'était la semaine dernière. Et puis donc notre autre club engagé dans cette Ligue des Champions, et ben c'est évidemment Nantes qui est 3e. Voilà, donc là aussi ça se passe plutôt bien avant donc la dernière phase avec ses 4 dernières rencontres. Et puis un dernier résultat qui concerne l'équipe de France féminine qui était à l'Euro, donc en tout cas pendant 15 jours, et qui a atteint la 4e place, malheureusement battue en demi-finale d'abord. Les Françaises qui ont été battues sur cette demi-finale plus fort, hein, il faut bien le reconnaître, face au Danemark, 24-22. Il manquait un petit bout quand même, parce qu'elles ont terminé de bout en bout, hein, les Françaises, assez logique ce résultat. Et puis battues aussi malheureusement dans la petite finale face à la Hongrie d'un but, 25-24. Donc quatrième en tout cas les Françaises sur cette étape européenne. Et puis c'est la Norvège qui a une nouvelle fois été titrée pour la 10e fois de leur histoire, 3e fois consécutive, les Norvégiennes qui ont été écrasées le Danemark 31-23. Donc il n'y a pas eu de match encore une fois, c'est la Norvégienne qui s'impose dans cette Euro. Voilà pour le handball. Autre bon résultat d'un club local, c'est pour Orléans en Pro B qui s'est imposé, c'était à Comet Arena samedi soir, face à Caen, 89-77, après un match d'ailleurs assez surprenant et renversant, puisque Orléans était mené jusqu'à la fin du troisième carton assez largement, et ils ont réalisé un dernier carton de fou pour inverser le match complètement, un 29-7 dans le quatrième carton, pour inverser la tendance et s'imposer assez largement finalement. Et ça permet à Orléans, et bien tout simplement, de revenir à hauteur de Boulazac en tête de ce classement. Donc tout va bien pour Orléans dans cette suite de saison qui les verra se déplacer à Rouen vendredi, donc face à la 5e équipe du classement. Donc là aussi un beau match en prévision. Et puis donc on aura pour voir un petit peu plus loin avant la trêve, donc Poitiers qui aura lieu le 27, donc à domicile. Et après il y aura une petite trêve où on retrouvera ensuite Orléans à partir du 10 janvier. En tout cas voilà, deux matchs importants pour bien finir l'année et essayer de rester dans cette place de leader. Donc on aura, donc je le rappelle, vendredi Rouen et ensuite le match à domicile pour finir qui aura lieu à l'extérieur, je vous l'ai dit. Et ce sera pour clôturer cette saison, le match donc de la 18e journée hein, qui aura lieu à domicile face à Poitiers hein, qui est pour le moment 7e. Donc là aussi c'est un adversaire assez intéressant, donc deux matchs assez intéressants pour finir cette saison cette année et retrouver, on l'espère, au mieux pour enchaîner la deuxième partie de saison. Voilà pour donc basket en Pro B, puis en Pro A, et bien du côté de la Betclic Elite, hein, et bien pour le moment c'est toujours Cholet qui est leader avec Paris Lasvel juste derrière. Donc pour le moment, et puis fin de série tiens en Euroleague pour Lasvel hein, qui a été pour Paris qui a été battu par Lasvel 98-93 après 11 victoires consécutives. Hein. C'était vraiment incroyable cette série de Paris qui clôture la série de 10 victoires. Donc fin de série, mais ça Paris est toujours leader hein, de cette Euroleague. Monaco 3ème qui est bien revenu aussi, donc c'est deux clubs sur le podium pour le moment, et Lasvel aussi qui va un peu mieux, 13ème, même si le top 8 est loin, mais en tout cas ça va un petit peu mieux pour Lasvel dans cette Euroleague. Et bien sûr ça continue avec des matchs cette semaine et la semaine prochaine, et même le voilà, il y aura pas de trêve puisqu'on joue toutes les semaines hein, en Euroleague. Il y aura pas de trêve entre les fêtes. Voilà pour donc le basket. Donc tout va bien pour Orléans pour en ce qui concerne la Pro B. Du rugby, c'était les matchs de Coupe d'Europe ce week-end. Il y a eu deux week-ends consécutifs, donc un petit bilan après ces deux premières journées. Hein, dans le groupe de Toulouse et Bordeaux, bah, les deux clubs sont co-leaders, 10 points. Avec les bonus offensifs, tout va bien pour Toulouse et Bordeaux qui sont loin devant leurs adversaires. Voilà, donc retour maintenant 11 janvier pour les 3e et 4e journée. La Rochelle aussi, ça va bien avec 9 points. Avec un bonus quand même sur les deux matchs. Clermont 3ème, 5 points, voilà, qui est plutôt installé aussi, donc ça se passe assez bien quand même, une victoire, une défaite. En revanche Castres 4 points seulement dans la poule C, Stade Français qui a perdu ses deux matchs, c'est compliqué, qui est déjà presque éliminé hein, en ce qui concerne le Stade Français. Et puis enfin Toulon au groupe D est leader avec ses deux victoires. Le Racing 4 points, qui est pas complètement éliminé mais qui est 5ème seulement. Il va falloir essayer de faire mieux dans ce qui va arriver sur la deuxième partie de la compétition. Et puis dans l'autre coupe, eh bien Lyon 2ème, Perpignan 4ème dans la poule A. Montpellier et Pau sont co-leaders dans la poule B, donc ça va plutôt bien. Et puis on a Vannes et Bayonne 6 et 4 points, donc Bayonne qui est un petit peu en dessous, et en revanche Vannes qui est co-leader, donc ça va plutôt bien dans cette coupe également. Et puis en top 14, et bien retour donc de la compétition samedi, ça y est, on revient au top 14. On aura Castres Bordeaux Bègle qui sera samedi soir, et enfin Lyon Toulouse qui aura lieu donc dimanche soir. Voilà un match déséquilibré entre Lyon 13e et l'ogre toulousain leader. Voilà pour donc le top 14. Un petit mot de tennis. Tiens, alors on sait que c'est la trêve. Une petite info qui concerne Novak Djokovic et Nick Kyrgios, qu'on rappelle va refaire son retour, hein, qui va faire son retour à la compétition après après pas mal d'absence, hein, après 3 ans d'absence. Enfin, en tout cas, il a joué un match entre temps, mais globalement, c'est à peu près ça l'idée. Il va faire son retour donc avec le Serbe, puisqu'ils vont s'engager en double. Ils l'ont annoncé en double dans le tournoi de Brisbane qui aura lieu tout début janvier. Donc, il jouera en simple et également en double. Hein, les deux vont jouer les deux tableaux, et donc ils vont s'associer pour donc reprendre la compétition à Brisbane juste avant le PON donc d'Australie. Voilà donc pour le tennis, voilà un petit peu ce qui se passe. En tout cas c'est la trêve, on n'a pas encore repris la compétition, et il y aura bien sûr à fin d'année des exhibitions comme d'habitude début janvier également, mais pour l'instant pas de grosses infos. À noter que Stan Wawrinka a reçu une wildcard pour l'Open d'Australie, ça sera son 19e Open d'Australie. Voilà donc assez logique de le voir invité, qui a commencé en 2006 dans ce tournoi, et puis qui a gagné en 2014, on le rappelle, l'un de ses trois grands chelems. Voilà, donc il fait partie des 9 invités pour ce tournoi. On aura d'autres, bien sûr, invités. On en reparlera. Et puis, bien sûr, les Français qu'on attendra avec aussi des qualifications juste avant. On espère avec quelques Français. Voilà pour le résumé de cette fin d'année de tennis. Et on a hâte d'être en janvier pour repartir sur une nouvelle saison. Voilà pour ce flash actu, hein, ce qu'on pourrait vous donner en tout cas comme info. Donc globalement, ça va assez bien pour le sport à Orléans. Entre le rugby, alors on rappelle c'est la trêve en rugby, mais en tout cas ça va plutôt bien pour le RCO1 qui est deuxième. On rappelle un point seulement derrière le Rennes qui est leader. Donc 10 victoires, 3 défaites, c'est une grosse saison qui est en train de faire le RCO, qui reviendra à la compétition le 11 janvier. Hein. Ce sera justement face à Rennes à l'extérieur, le match face au leader. Grosse reprise, on espère, vainqueur de ce choc, donc aura lieu le 11 janvier, on en reparlera. Donc tout va bien pour le rugby, pour le hand, ça va mieux aussi, le basket va bien aussi, le foot, on en parlera. Ça va bien, même s'il y a eu cette petite défaite à Nancy avant la trêve, mais en tout cas, ça va quand même plutôt bien avec ce podium. On en reparlera donc juste après la pause, donc tout de suite, et on se retrouve juste après pour le foot avec Hugo qu'on va retrouver, bien entendu, et qui va nous parler de cette page foot avec plein de choses. Hein. On aura, je vous le rappelle. Bien entendu, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, en tout cas tout ce qui s'est passé cette semaine. Bien sûr, les champions à l'étranger. On aura le choc entre City et United, vainqueur, c'est United. On en parlera dans un scénario assez incroyable. Et puis tout la Ligue 1, bien sûr, du week-end. On en parle juste après. Les matchs directs, ça se poursuit 0-0 dans les deux matchs. Dunkerque, quand Lazio, Inter en Italie. Et bien sûr, on aura la suite de ces deux rencontres. Donc juste après, en fil rouge bien sûr, on les suit ces deux rencontres. Et Hugo avec nous dans 3 minutes. Le temps pour nous d'écouter on va écouter In Excess tout de suite. Et on se retrouve donc dans 3 minutes pour la suite. Donc juste après, sur le titre, donc je le rappelle, In Excess, c'est parti, 3 minutes, et donc après Hugo on le retrouve. Pour le foot, In Excess Need You Tonight. À tout de suite donc, 21h et 1 minute. Vous êtes sur Arc-en-Ciel, la Red Argus Sport, à tout de suite. What you gonna do? Access, Need Your Tonight pour cette pause. Il est 21h04, on est quasiment à l'heure, on est à l'heure on va dire, allez. Et c'est l'heure de retrouver Hugo qui nous rejoint pour bah, la page foot bien entendu. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à toutes et à tous. Ça va bien ce soir? Bah oui, écoute, ça va très très bien, on commence une nouvelle semaine, tout va bien, bientôt Noël. Exactement, plus que 3 émissions avant la fin de l'année. Hein. Voilà, donc il y aura quand même des choses. Hein. C'est vrai que ce sera un petit peu plus calme, mais on va retrouver quand même quelques compétitions. On aura l'Angleterre, hein, surtout. Globalement, ouais, ça... le Boxing Day, ouais. Ouais. C'est ça. Globalement, je trouve que après pour le reste, ça coupe. Hein. En France, bien sûr, mais j'ai pas été vérifié. Tu vas me dire, mais je crois que pour les autres nations, enfin les autres pays, on coupe quand même. Ouais, logiquement, ouais. Bon. Juste là, avant Noël, avant le réveillon, il y a toujours, ce week-end, il y a toujours des matchs, mais notamment de la Coupe de France hein, qui nous attend. Exactement. Ici, ouais. En France, hein. On va en parler. On a pas mal de choses. Hein. On a la Coupe de France, donc on en parlera tout à l'heure. On aura aussi, évidemment, le débrief de la Ligue 1, la Ligue 2. On a aussi tout ce qui s'est passé en Europe. Tout le week-end, il y a eu des matchs sympas. Il y a eu, il y a eu Barça, on a eu le Real, l'Atlético, on a eu ce City, United aussi hier, Angleterre. Il s'est passé des choses, donc on va en parler. Puis ce soir, il y a aussi un gros match entre la Lazio et l'Inter. C'est parti depuis 18 minutes, pas de but pour l'instant. Et on a aussi Dunkerque en Ligue 2, 0-0 aussi depuis 20 minutes. Et puis on a aussi, bien sûr les coupes d'Europe, hein, parce qu'il y avait aussi les 6e journée de Coupe d'Europe, donc plein de choses. Et on aura aussi, tiens, un mot de... On peut commencer avec ça, d'ailleurs. Ça avait lieu, il y a 3 jours, le tirage au sort des qualifications pour le Mondial 2026. Ouais. Donc la France qui connaît, alors pas encore ses adversaires, mais qui connaît l'un des deux groupes, enfin les deux groupes dans lesquels elle pourrait tomber. Donc on aura soit, d'abord, si la France remporte son quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie, la France qui donc sera opposée à l'Ukraine, à l'Islande et l'Azerbaïdjan dans le groupe D. Alors c'est des groupes de 4 maintenant ou 5, donc c'est un peu changé. Et si la France donc s'incline face à la Croatie, ce sera donc un groupe aussi très abordable avec la République tchèque, le Monténégro, les îles Féroé et Gibraltar. Bon, ça devrait le faire hein, dans un cas comme dans l'autre, hein. On est d'accord. Oui, le tirage était plutôt clément de toute manière. De toute façon, c'est des histoires de chapeau. Donc, dans tous les cas, on devait éviter à chaque fois une des grosses nations. Donc, franchement, on est bien tombé. Maintenant, il y a pas l'histoire aussi du fait que dans tous les cas, on sera qualifié pour les barrages ou il y a une histoire comme ça aussi. Si toutefois on finit pas dans les deux premières places, qui m'étonnerait, on aura quoi qu'il arrive le barrage grâce à notre statut de quart de finaliste de Ligue des Nations. Donc voilà, oui. Bon, de toute façon, il faut finir premier de ces groupes. Hein. Il faut, voilà, faut pas se. Hein, c'est. Quand ah oui, bah bien sûr, au mieux, voilà. Et mais voilà, j'ai peur que la plupart de ces matchs-là de qualification, on s'ennuie un peu avec ces adversaires-là. Alors voilà, va falloir aller gagner ces matchs, mais justement, est-ce que faudrait en profiter pour tester de nouvelles choses. Maintenant, il y a déjà la Ligue des Nations à s'occuper. On va voir ça. Maintenant, je sais même pas, tu vois, s'il vaut mieux continuer à jouer cette Ligue des Nations ou finalement peut-être la mettre de côté pour préserver un petit peu les joueurs, les organismes. Bon, je sais que c'est pas dans l'esprit de Deschamps et de la plupart des joueurs quand même de mettre de côté une compétition comme ça. Mais bon, oui, dans tous les cas, voilà, c'est pour ces qualifications-là, ça devrait bien se passer, je pense. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a moins de matchs hein, maintenant. Là, si on arrive à gagner la Croatie, il y aura que 6 matchs, hein, donc c'est mieux que. Avant les groupes de 6 c'était beaucoup trop donc ça a été un peu revu hein, ce système de groupes donc c'est des groupes de 4 ou de 5 donc ça fait quand même beaucoup moins de matchs donc si jamais la France gagne face à la Croatie donc ce sera un groupe de 4 et le tirage les qualifs commenceront seulement en novembre 2025 hein. En septembre donc septembre octobre novembre les 6 matchs seront répartis comme ça donc ça sera assez rapide quand même. Mais c'est ce que je veux dire, elles arrivent vachement tard, ces qualifs, non enfin, par rapport à la. à la Coupe du Monde, quoi, non ? Bah, le fait que du coup ce soit des groupes comme ça moins gros, bah, ça permet de jouer démarrer plus tard. Ouais. C'est pour ça que ça démarrait quand il y aurait deux matchs en septembre, deux en octobre, deux en novembre, et ça serait fini. Et si toutefois, bon, on venait à perdre face à la Croatie, ça démarrait, il y aurait les deux premiers matchs un peu plus tôt. Mais en tout cas, ouais, ce sera déjà beaucoup moins lourd qu'avant. Alors, on sait qu'il y a aussi, pourquoi ? C'est qu'il y a aussi, il y a le mondial des clubs cet été, donc ça fait beaucoup de matchs. Hein. Voilà en tout cas pour la France. Et puis tiens, il y avait aussi l'équipe de France féminine qui connaît ses adversaires de l'Euro qui aura lieu l'année prochaine, en juin prochain. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, ouais. Avec l'Angleterre, donc championne d'Europe, les Pays-Bas qui a gagné la compétition en 2017 et puis le Pays de Galles. Donc un gros tirage quand même. Ce sera donc en Suisse l'année prochaine. C'est un tirage assez corsé quand même. Pour cette équipe de France qui démarra face à l'Angleterre, il y aura ensuite le Pays de Galles et les Pays-Bas. Il faut finir dans les deux premières places. Et il n'y aura pas de troisième, meilleur troisième. Donc ça va être compliqué. Mais voilà, et ça fait déjà une compétition qu'il faut prendre au sérieux dès le début. Hein. C'est pas t'as un groupe facile et faut tout de suite rentrer dans le dur. Donc on verra ça l'été prochain pour cette équipe de France. Qui sera avec son nouveau coach, enfin en tout cas qui pour le nouveau coach sera sa première grande compétition. Ce sera aussi moyen de voir un petit peu que vaut ce sélectionneur. Donc à partir de ça. Voilà donc pour cette première partie. Donc voilà pour les nations et puis donc on va pouvoir attaquer tranquillement nous notre semaine européenne en Ligue des Champions. Alors on va pas évoquer tous nos matchs comme d'habitude, mais on va évoquer surtout le club français et puis les grosses rencontres qui avaient lieu. Sixième journée de ces Coupes d'Europe. Mardi d'abord, alors il y a eu moins de matchs que sur la journée d'avant. On rappelle la journée d'avant, il y a eu des gros scores, des 5-0, ouais. Des 6-1, des 5-1. Ça a été un petit peu moins fourni sur la journée du mardi. Hormis le carton du Bayern à Shakhtar Donetsk 5-1. Qui est le plus gros carton. Bon, qui est aussi logique en fait. Hein, parce que le Bayern, enfin Shakhtar, il n'y avait rien et donc ils sont encore... Oui, ça reste très faible aussi le Shakhtar. Enfin, ça s'est pas mal remis depuis quelques saisons, enfin en tout cas depuis les événements géopolitiques en Ukraine. Ça s'est plutôt bien remis en plus avec des joueurs évidemment locaux. Mais là effectivement oui, quand tu arrives face à un grand d'Europe comme ça, à Bayern, t'es quand même là largement en dessous. Donc forcément c'était logique. Ce gros score pour le Bayern, c'est logique, ils sont plutôt baladés dans ce match-là. Ouais. Ouais. L'équipe française, donc Paris d'abord, qui se déplaçait à Salzbourg avec aucun droit à l'erreur. Il fallait déjà gagner pour se donner le droit d'aller chercher plus. Après, on en parlera sur les deux derniers matchs. Enfin, Paris va mieux, en tout cas en Ligue des Champions. Un succès logique face à cette équipe de Salzbourg. Et ça va leur permettre de se relancer. En tout cas, ouais, c'est très logique cette victoire. Ce score. C'était logique. Pour autant, je pense qu'on était beaucoup, enfin en tout cas, je pense qu'on était plusieurs à pas être totalement serein non plus avant ce match-là. Évidemment, j'ose espérer que, on pensait quand même que le PSG était évidemment au-dessus, mais finalement, depuis ce début de saison européen, on a vu que le PSG était très limité. On se disait, à n'importe quelle équipe, presque, on va pas être serein à 100% avec ce PSG-là, avec ces joueurs-là, avec potentiellement cette tactique-là amenée par Luis Enrique. Si on a une réellement d'officielle, mais en tout cas, le PSG nous a plus ou moins rassurés, parce que oui, effectivement, 3-0, ça reste logique, mais il y a eu beaucoup d'occasions ratées, quoi, côté PSG, encore une fois, c'est leur marque de fabrique finalement, cette maladresse dans les derniers gestes, c'est leur marque de fabrique avec différents joueurs, et ça a été le cas, ça aurait pu être plus sévère que ça, cette victoire, et ça a fait que 3-0 à la fin. Malheureusement, c'est toujours ce qu'on peut reprocher à cette équipe parisienne, c'est ça, c'est vraiment de pas conclure à chaque fois toutes les actions. Là, ça va que c'est contre Salzbourg, mais évidemment, quand c'est une équipe un petit peu au-dessus, on galère beaucoup plus parce qu'il y a du répondant en face. Bon, maintenant, on va pas encore une fois s'appuyer que sur le négatif. C'est évidemment une bonne chose que le PSG retrouve le chemin de la victoire et a encore son destin entre ses mains quand même. Oui. Bien sûr. Mais effectivement, ce qui arrive prochainement en Coupe d'Europe, ça va être là le plus dur contre City, une équipe qui est vraiment en crise. On en reparlera après. On verra aussi, ben voilà, l'état des deux équipes, des deux effectifs d'ici là, parce que janvier, dire, oui, ça peut bouger. Voilà, c'est quand, c'est fin janvier, non? City, c'est le 22 janvier, ouais. Ah ouais. Ouais, voilà, 22 janvier. Donc City a le temps de récupérer. Il y a le Boxing Day qui peut changer beaucoup de choses aussi en Angleterre. Donc City a peut-être le temps de se remettre à l'endroit ou peut-être de changer de, on sait pas, hein, de coach. Guardiola pourrait être amené à partir ou à se faire limoger. On ne sait pas, on n'est rien, parce que c'est une situation inédite dans laquelle est le club Citizen. Enfin voilà, puis PSG, bah, évidemment, peut recruter aussi d'ici là un ou deux éléments. Un ou deux éléments peuvent également partir, c'est d'ailleurs dans les tuyaux, hein, Colomboigny qui est finalement presque poussé vers la sortie. Enfin, c'est un petit peu voilà, les rumeurs qui ressortent là depuis notamment ce week-end, où il n'était pas convoqué contre Lyon. Enfin voilà, donc les effectifs peuvent encore bouger, donc on ne peut pas s'avancer sur les deux derniers matchs de cette phase de ligue du PSG, et même en général sur cette phase de ligue. Mais voilà, c'est une victoire en tout cas qui fait du bien, mine de rien, c'est 3-0, c'est propre, c'est net. C'est une belle victoire. Salzbourg n'a pas existé dans ce match-là. Salzbourg, voilà, était vraiment très faible. Maintenant, voilà, c'est évidemment une victoire qui fait du bien. Il fallait ces trois points-là. Il fallait marquer, voilà, son empreinte sur cette sixième journée. Mais voilà, il y a encore beaucoup trop de maladresse, comme j'ai dit, et contre même un City malade, ça peut être un gros problème. Donc voilà, mais pour ce match-là, évidemment, le PSG a fait le taf, et c'est ce qu'on leur demandait, donc c'est une bonne chose. Alors, si le match face à City va valoir cher pour les deux clubs, en fait, puisqu'on va parler de City qui jouait mercredi, mais du coup, les deux clubs sont vraiment pas bien, donc un match nul, ça arrangerait personne, quoi. Donc faut vraiment que l'un des deux gagne, donc ça va être un match qui va être attendu en tout cas, donc ce sera le 22 janvier. Et avant ça, j'ai regardé un petit peu le calendrier de Paris, il est quand même fou, hein. Il y a Monaco mercredi en match avancé, il y a Lens en Coupe de France ce week-end, ensuite à la reprise il y a alors, le Trophée des Champions face à Monaco, ensuite il y a Saint-Etienne qui est un peu moins costaud, ensuite il y a Lens à l'extérieur, championnat, et il y aura City. Donc là, c'est quand même du très lourd qui arrive sur Paris là, avant justement cette échéance de City qui sera très importante, donc il va pas falloir perdre trop d'énergie d'ici là, et on le sait, il y aura la trêve avant, mais voilà, ça fait quand même beaucoup beaucoup de choses qui arrivent pour Paris. On va voir aussi s'il y a des mouvements pendant le mercato hivernal en janvier. Oui. Voir si on va chercher des nouveaux éléments, alors soit pour étoffer l'effectif ou soit pour essayer de recruter plus intelligent et plus talentueux, tout simplement. Maintenant, c'était mercato d'hier, il y a pas beaucoup non plus de mouvement, énormément, hein. C'est évidemment c'est pas l'été, c'est pas l'intersaison, mais voilà, bon, à voir, hein. Il peut se passer beaucoup de choses. Après, City, je sais pas c'est quoi leur dernier match de phase de ligue. Je vais te dire ça tout de suite. Bon, pour Paris, c'est plus facile que City. C'est Bruges, voilà. Bruges, City. City jouera face à Bruges. Voilà, non, je parlais de Paris, moi, Paris, je sais plus contre qui joue. C'est Stuttgart. Ouais, Stuttgart, ouais. Pour les deux, ça semble. Voilà. Ça semble jouable, c'est pour ça que, ah oui. Enfin, ça en soit un match nul entre les deux, entre Paris et City, ça, évidemment, ça n'arrangerait personne en soi. Mais maintenant, alors, City a un point d'avance. Donc, à la limite, City fait nul contre Paris, ça fait, ils ont 9 points. On part du principe qu'ils vont gagner contre Bruges, voilà, peut-être qu'ils peuvent se sauver comme ça. Paris aussi, mine de rien, alors oui, dans tous les cas, ça va pas satisfera personne, un match nul entre ces deux équipes-là. Mais il y aura peut-être la place quand même d'aller chercher une qualif s'il y a un match nul comme ça, et la victoire derrière, Stuttgart pour PSG et contre Bruges. Attention, parce qu'une défaite, Paris, une défaite, et même si ça gagne contre Stuttgart, 10 points. 10 points, alors au départ on disait que 10 points ça suffirait, mais maintenant on est en train de se dire que vu les scénarios et vu les surprises qu'il y a eu, 10 points ça pourrait ne pas suffire, en tout cas pour ceux qui ont des différences de but assez faibles. Alors Paris pour l'instant ils ont 0. Hein. C'est ça, après avoir aussi, parce qu'évidemment on n'a pas toutes les affiches en tête, mais avoir aussi qui s'affronte contre qui, parce que je pense qu'il y aura d'autres confrontations un petit peu directes comme ça, peut-être dans le calendrier, à vérifier, mais. Oui, c'est voilà, mais Voilà, donc ça peut jouer potentiellement en leur faveur ou non, on verra bien. Mais dans tous les cas, de toute façon, là, oui, là, t'as plus le choix quand t'as fait une si mauvaise, un si mauvais début de campagne européenne. À un moment, voilà, il y a qu'un objectif, c'est les 3 points de toute manière. Donc voilà, c'est ce qu'il faut aller chercher, surtout encore une fois chez ce City-là qui est aujourd'hui malade. Mais voilà, faut avoir qu'un seul objectif en tête, c'est la victoire. Sinon, ça sert à rien d'aller sur le terrain quand tu joues la Ligue des Champions. Quoi. Brest maintenant qui recevait Eindhoven après sa défaite face au Barça, très logique la semaine, la semaine dernière. Brest voulait rebondir et voulait se qualifier, c'est fait pour Brest avec cette victoire 1-0 face à une équipe. Alors Eindhoven qui est plus Eindhoven qu'on a pu connaître, mais qui reste quand même une équipe habituée et il fallait le faire. Donc Brest qui remporte sa 4e victoire en Ligue des Champions et du coup est qualifié pour les barrages minimum et qui peut même espérer aller plus loin. On va en parler après, mais en tout cas ça fait du bien de voir ce Brest encore une fois. On en parlerait toutes les semaines, mais qui va très bien en Ligue des Champions et bon, c'est vrai, moins bien en championnat. Ouais, bon. On voit que ça perd un peu forcément des plumes en Ligue des Champions. Mais maintenant, voilà, fallait effectivement aller chercher ce PSV Eindhoven-là de Peter Bosz, hein, on le rappelle, l'ex-entraîneur de l'OL. Ce PSV-là qui est vraiment une équipe très, très offensive et qui marque beaucoup de buts depuis que Bosz justement est arrivé sur le banc. Donc, après on l'a vu sur ce match-là, Bizot, le gardien brestois, a été juste... énorme, exceptionnel. Ouais, encore, ouais. Il était vraiment gigantesque. Sans lui, Brest aurait dû s'incliner. Mais Brest a tenu la baraque tout au long de ce match, en marquant même avant la mi-temps. Un but de Le Cardinal. Franchement, Brest qui continue de surperformer, de représenter la France à merveille. Contrairement au PSG, notamment en Coupe d'Europe. Donc, Brest encore une fois très costaud. Ça a beaucoup subi. Alors Brest a aussi eu beaucoup d'occasions également, hein, mais le PSV un peu plus. Ça a su tenir la baraque quand même, que ce soit la défense comme le gardien. Donc, encore une grosse performance de Brest. Et effectivement, comme tu dis, on peut. Maintenant, j'ai envie de dire, l'objectif numéro un, c'est vraiment essayer d'arracher ce top 8. Hein. Ouais, c'est jouable. Si on n'essaye pas d'aller arracher ça, là, il faut y aller maintenant. Ouais. Là, quand on voit toutes les performances récentes en Coupe d'Europe. Surtout qu'il reste le Shakhtar. Le prochain match, c'est Shakhtar. Il y a le Real à la fin. Qui est loin en classement. Il faut gagner ce match-là. Et le Real, voir ce qui peut se passer. Mais déjà, avec 16 points, si tu gagnes Shakhtar, avec 16 points, t'es normalement dans le top. Normalement, t'es dans le top 8, quoi. Ouais, c'est pas grave. Mais tu donnes toutes les chances, en tout cas, d'y être. Et avec une différence de but plus 4 qui est pas mal. Faut voir ce que ça peut donner. Mais c'est Shakhtar qui va déterminer. Le Shakhtar, on l'a dit, qui a pris 5-1. Ouais. Contre le Bayern, qui effectivement ne flamboie pas cette année. Donc, et 4 points qui est pas éliminé, mais virtuellement avec moins 8, même si t'as 10 points à la fin, avec un moins 8, ça va être très compliqué, hein, pour chaque acteur de se qualifier en barrage. Hein. Avec 4 points. Ouais, c'est sûr, ça va être compliqué. Après, attention quand même, parce qu'ils peuvent être aussi surboostés, essayer d'aller arracher cette qualification pour le Shakhtar. Mais effectivement, Brest se doit d'aller gagner ce match face à Donetsk. De toute manière, de ce qu'on voit depuis le début de saison, Brest est au-dessus, de toute façon, et doit au moins, en tout cas, ne pas perdre ce match-là avant d'affronter le Real Madrid, parce qu'on voilà, on ne sait pas aussi dans quelle optique sera la Real à ce moment-là, mais à mon avis, je ne sais pas s'ils pourront, ils ont combien de points, ils réalisent 9 points, imaginons, plus 6, ça fait 15, je ne sais pas s'ils auront encore la possibilité d'arracher le top 8, c'est possible. Ce sera peut-être pas le bon moment pour jouer le Real. Donc c'est pour ça que Donetsk va vraiment aller chercher les 3 points là-bas. Ouais, ce sera à l'extérieur. Ouais. Ok, donc Brest, en tout cas, pour le moment, 7e. Donc, pour le moment, même dans le top 8. Donc, c'est plutôt bien. On peut en parler aussi de cette victoire du Real. Alors on va essayer d'aller vite puisqu'on prend encore la journée du mercredi. Mais cette victoire du Real à Bergame qui était très importante aussi. Hein, ils étaient un peu dans le même cas de figure que Paris, mais un petit peu moins grave. Mais quand même, avant le match 6 points. Il fallait gagner face à une équipe de Bergame qui a 11 points quand même, qui est plutôt bien placée. Et donc voilà, il fallait gagner, il fallait se relancer. Ça s'est bien fait. En plus, on a vu un Kylian Mbappé, bon, malheureusement avant de se blesser, qui était plutôt en jambes, hein, et qui a été buteur en plus. Premier buteur. Ouais, c'est... ouais, ben Mbappé plutôt pas mal en ce moment. On le sent un peu plus sûr de lui. Il continue de marquer. Hein, il enchaîne plutôt les plutôt bonnes performances. C'est vrai que c'est dommage cette blessure pour lui. Ça coupe un petit peu dans peut-être qui était un c'est début d'élan, ouais. Vraiment de positivité, de bonnes performances. Bon, ça n'a pas l'air d'être très grave non plus. Donc voilà, on lui souhaite de revenir le plus vite. Il devrait être là pour la finale de la Coupe des clubs, le mondial des clubs. Ce qui sera ce week-end. Il y a encore une finale de... Finale de la Coupe du Monde des clubs, ouais. Ah ouais, il y a ça ce week-end, je sais même pas. C'est oui, il y a ça. J'ai vu ça. Oui, je me disais, mais ils refont un mondial. Enfin, il y a un mondial des clubs et ils en refont un. Enfin, ils font une nouvelle formule en. L'été pour cet été, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'est la formule classique avec une nation européenne. Et, ouais. Et ensuite, ce sera une vraie compétition vraiment qui fera partie du calendrier. Ouais. Ouais, je trouve ça un peu bête. Ça une fois des matchs dans une saison. En plus, je sais même pas où ça se joue. Du coup, là, cette Coupe du Monde des clubs. Là, donc, la Coupe du Monde des clubs, ce sera aux États-Unis. Hein, ce sera un petit peu pour. Non, mais pas cet été, mais là, ce week-end. C'est une bonne question. Je vais essayer de trouver c'est pareil, ça. Tu vois, ça fait des matchs en plus, ça fait des voyages en plus, potentiellement. Donc c'est l'équipe de Pachuca qui s'est qualifiée donc pour la finale qui aura lieu mercredi. Ok, très bien. Donc c'est les Mexicains qui joueront mercredi face au Real, ce sera au Qatar, à Doha. Voilà. Ah, bien. Voilà. Les deux amis pour. Pour Mbappé, même s'il a dit dans son entretien à Click que voilà, il avait des bonnes relations avec l'émir, bon. Enfin bon, il sera. Ah non, t'as dit il sera armé du coup pour mercredi. En tout cas, il sera dans le groupe. Je sais pas s'il va jouer, mais il sera dans le groupe. Hein. Donc ouais, il y aura cette nouvelle Coupe du Monde des clubs à 32 équipes. Et la FIFA a relancé cette année la coupe donc un quart intercontinental. Alors, c'est plus le mondial des clubs, c'est la coupe intercontinentale, voilà, qui est un petit peu. L'équivalent quand même, mais qui est l'ancienne formule, qui va a priori perdurer quand même en parallèle de la Coupe du Monde des clubs qui elle sera l'été. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais en tout cas ce mercredi là ça sert à rien surtout, quoi. Oui, ça sert à rien. En tout cas mercredi Real jouera cette finale et Kylian Mbappé sera du voyage. Sera remis. Ouais, enfin voilà. Donc oui, pour en revenir après avec des champions, c'est une victoire qui fait du bien pour le Real. Dans un scénario aussi assez cool, assez fou dans ce match-là. Et puis il y a aussi un retour de Bellingham qui marque aussi. Il a encore marqué également ce week-end. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est une victoire importante. L'Atalanta qui fait plutôt un très bon début de saison aussi. Donc c'est vrai que c'est fallait aller chercher cette équipe-là. Alors que le Real était pareil dans une dynamique pas ouf. Hein. Excuse-moi du terme, mais voilà, la dynamique n'était pas folle côté Real, donc effectivement, il fallait aller chercher cette victoire-là importante en Coupe d'Europe. Mais voilà, le Real qui est toujours un petit peu dos au mur, je pense que c'est là aussi qu'on va les reconnaître. Et c'est souvent comme ça qu'ils arrivent à se lancer. Et voilà, et puis de toute façon, ce sera un autre Real, on le sait, en 2025, en deuxième partie de saison, c'est toujours comme ça se passe avec cette équipe-là. Donc voilà, mais effectivement, une victoire importante du Real avec un bon Mbappé qui est malheureusement sorti sur blessure prématurément après la demi-heure de jeu. Donc voilà, mais une belle victoire pour le Real à l'Atalanta. Qui revient du coup pour le moment, le Real. Ils sont à 9 20, points, 20e. Ouais, 20e. Pensant qu'ils font partie des barrages. Rapidement, les autres résultats. La 6e victoire de Liverpool. Courte victoire, mais qui a suffi à la Gérone 1-0 avec un but de Mohamed Salah sur penalty, donc qui reste évidemment leader et qui est sur un sans faute toujours. Donc voilà, Liverpool toujours là, qui va peut-être aller chercher le grand chelem, hein, c'est possible, hein, pour Liverpool. Et à qui restera donc Lille et Eindhoven. Voilà, donc ça semble jouable pour Liverpool. On a ensuite on a Aston Villa qui a gagné à Leipzig, c'est un gros score, 3-2. Qui reste cinquième du coup, Aston Villa aussi qualifié. Pour Leipzig, c'est fini, élimination avec 0 points. C'est le cas aussi d'ailleurs de Bratislava ou de Berne hein, qui sont à 0 points, qui sont éliminés. Bologne aussi avec 2 points, ça devrait être fini hein, a priori. Mais en tout cas pour les autres, c'est officiel. Et puis on avait le Bayer Leverkusen qui a battu l'Inter 1-0. Là aussi c'était un gros match en haut de tableau et l'Inter était déjà qualifié pour les barrages, mais c'est le cas aussi du coup de Bayer Leverkusen qui reste à 13 points. Donc voilà, ça passe aussi pour Leverkusen. Voilà globalement les résultats de mardi. Et puis donc mercredi, on avait donc pour les clubs français, Lille qui recevait le Sturm Graz. Victoire à la clé et qualification à la clé comme Brest. 3-2, il a fallu attendre vraiment les 10 dernières minutes pour voir Lille s'imposer alors qu'il menait 2-0 hein, dans les dernières minutes de la première période. Et avant le temps additionnel, enfin avant la mi-temps, Sturm Graz est revenu et ensuite juste au début de la seconde période l'égalisation, il a fallu attendre donc la 81e minute pour s'imposer, mais il fallait le faire hein, pour face à cette équipe un peu plus faible hein, de Sturm Graz hein, par rapport à ce qu'elle a pu faire par le passé face à des grands clubs. Il fallait gagner, ils l'ont bien fait et ça passe pour Lille du coup, c'est bien aussi, ça fait deux équipes qualifiées déjà. Ouais, Lille qui continue pareil sur sa lancée en Coupe d'Europe, même en championnat, ils font plutôt un bon début de saison aussi en championnat. Donc oui, un match sérieux de Lille, effectivement, tu l'as dit. Hein. 2-1 juste avant la mi-temps, 2-2 juste après la mi-temps. On a eu peur un petit peu du scénario catastrophe, mais globalement, ils ont eu la maîtrise dans ce match-là, et puis ils ont été bien récompensés à la 81e, enfin un petit peu tard, mais avec ce 3-2 à la 81e grâce à un but d'Haraldsson. Donc effectivement, c'est un Lille encore une fois sérieux, présent dans les grands soirs, là où il faut, quand il faut. Et ouais, bon, on peut encore une fois que saluer cette équipe lilloise comme cette équipe brestoise. D'ailleurs, ils sont au coude à coude hein, au classement hein, Brest 7e, Lille 8e ouais. Avec 13 points. Ouais. Juste un petit but en moins au goal average pour Lille. Mais voilà, on souhaite aussi que Lille fasse le maximum. Ce serait beau quand même d'avoir deux clubs français dans le top 8 et qui plus est sans le PSG, ce serait évidemment inespéré évidemment. Mais c'est vrai que ce serait vraiment beau. Alors tu l'as dit, il reste Liverpool, c'est le prochain match à aller se partir, donc ça peut être simple surtout là-bas à Anfield. Et Liverpool qui, je pense que Liverpool ne va pas se reposer sur ses lauriers. Non, ils veulent faire le sans faute, je pense. Hein. Ils veulent faire un petit peu le grand chelem comme tu l'as dit. Et surtout que voilà, il y a toujours c'est bénéfique. De terminer premier de cette phase de ligue, alors non seulement déjà parce que pour ton futur adversaire en huitième, bah tu vas tomber contre quelqu'un de moins bien classé, qui est issu des barrages, et puis en plus, je sais pas si t'as vu ça, mais enfin bon, faut aller au bout après, mais le premier ne peut rencontrer le deuxième de la phase de ligue qu'en finale. Ah d'accord. Enfin, voilà. Ok. Donc si Liverpool termine premier, donc deuxième, je sais pas qui c'est le deuxième en ce moment, c'est le Barça, ouais. Donc si ça reste comme, imaginons que ça reste comme ça, Liverpool et le Barça ne pourront se rencontrer qu'en finale. Voilà. D'accord. Ok. Donc par exemple, bon, c'est, tu vas me dire que c'est taper Arsenal ou je sais pas qui, c'est pas mieux non plus, Arsenal troisième, mais en tout cas voilà, tu peux pas taper ton dauphin au-delà de la finale, enfin avant la finale. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est potentiellement important pour Liverpool et peut-être même aussi pour juste avoir un petit peu de petit côté gloire en fait, tout simplement, de terminer premier avec pourquoi pas un sans faute. Donc effectivement, ça va pas être une partie de plaisir, je pense, pour Lille à Anfield. Mais voilà, en tout cas, Lille se doit aussi d'avoir cet objectif comme Brest du top 8. Alors, je dis pas que c'est un échec s'ils le font pas, hein, évidemment. Mais ils doivent partir de ce principe-là. Ils doivent maintenant aller chercher cette place qualificative directe, quoi. Et il y aura Rotterdam pour finir, qui a 10 points, donc qui peut-être se battra pour le qualif aussi. Donc, ça peut être dernier match. Ça va pas être simple non plus. Ouais. Non, ça va pas être simple, c'est clair. Donc, en tout cas, voilà, Lille pour l'instant bien placée, qualifiée pour les barrages au minima. Donc bravo encore à cette équipe. On avait Monaco aussi qui jouait à Arsenal. Ça a été plus compliqué pour Monaco, hein, c'est peu de le dire. Ça a été assez cata même. Hein. Ouais, ça, c'était une grande équipe d'Arsenal. Et puis un Monaco qui n'était pas voilà, au niveau, hein, qui était voilà, trop de fautes, trop de cadeaux. Hein. De toute façon, là, il n'y avait pas photo hein, sur ce match. Ouais, bah on voit un petit peu une équipe composée de pas mal de jeunes joueurs, hein, Monaco. Enfin, même beaucoup de jeunes joueurs, hein, parce que je sais plus combien elle est, la moyenne d'âge de l'effectif titulaire, là, mais t'as très peu de joueurs au-dessus de 25 ans, hein, final. Hein. En tout cas, t'as le plus vieux, je crois, je suis en train de regarder, là. Le plus vieux titulaire, il avait 27 ans, je crois. Oui. Caio Henrique. Oui. C'est là qu'il manquait Denis Zakaria, le capitaine. Ouais. Blessé et bon qui est le plus âgé, enfin des plus âgés avec 28 ans et qui était le bah voilà qui était dans l'axe dans le milieu de terrain monégasque qui a manqué beaucoup hein. Alors après bon ça aurait peut-être pas changé le match mais c'est... non mais bon voilà ça c'est voilà ce niveau là contre une équipe comme ça c'est sûr que avoir de la fougue avoir de la jeunesse avoir du talent c'est bien mais voilà, ça reste le grand Arsenal en face, qui a aussi une équipe relativement jeune, hein, ça aussi, mais c'est quand même une autre gamme de niveau, et puis voilà, de toute façon, les joueurs ont été trop tendres. Après, si au moins l'équipe monégasque avait été un peu plus présente dans les duels, physiquement, ça aurait peut-être fait autre chose, mais là, effectivement, Monaco, ça aurait pu jouer 200 minutes, Monaco n'aurait pas pu marquer, et voilà, ça aurait été compliqué vraiment pour eux tout au long, mais bon, voilà, trop de cadeaux. Dommage. Trop de cadeaux. Puis trop de cadeaux, évidemment. Ça, évidemment. Tu peux pas, À ce niveau-là, tu peux pas donner autant de cadeaux à un adversaire comme ça, parce que tu le payes cash et ça s'est vérifié. Donc, ouais. Effectivement, mais même au-delà de ça, dans l'état d'esprit, j'étais assez déçu parce que Monaco, c'est une équipe qui fonctionne très bien depuis le début de saison. En Coupe d'Europe comme en championnat, donc c'est vrai que je m'attendais à mieux, même si je m'attendais pas à une victoire ou quoi, même une, enfin c'est une perdre à l'Emirates face à Arsenal, c'est normal, c'est pas un scandale, c'est presque une normalité, mais pas avec ce visage-là, c'est un petit peu ça qui m'a dérangé, même si encore une fois c'est une équipe très jeune, peu expérimentée mine de rien, je voulais quand même un petit peu plus un visage de à la hauteur de l'événement, ce qui n'a pas été le cas, mais après c'est pas catastrophique pour Monaco, mais voilà, Monaco qui s'enfonce un petit peu presque dans le ventre mou maintenant, plus ou moins, ça peut aller très vite, hein, il y a que 3 points entre la 3e place et la 19e place, donc bon, ça peut aller très très vite, c'est sûr, mais bon, Monaco qui s'est un petit peu enfoncé là-dedans, du coup, dans toutes ces équipes qui ont 10 points. Je sais même plus c'est quoi le prochain adversaire. Le prochain adversaire c'est Aston Villa qui est plutôt plutôt pas mal, qui est cinquième, qui est bien placé, et l'Inter pour finir qui est sixième, donc ils se sont pas facilités la tâche. Alors attention à ne pas tout perdre, hein. Oui, voilà, ce qu'il faut pas regretter, c'est la défaite face au Benfica, hein. Là, ce match là qu'il fallait vraiment gagner, ouais. Qui a été le scénario, est-ce que là tu gagnes celui-ci, t'as 13 points, c'est plié l'affaire, hein. T'es qualifié et tu peux voir ce qui arrive sur les 3 derniers matchs, mais en ayant perdu face à Benfica, tu t'es mis en difficulté et là t'avais Arsenal, t'as Aston Villa, t'as l'Inter, c'est 3 gros, enfin mine de rien, en tout cas en Ligue des Champions, si on regarde que la Ligue des Champions, c'est 3 gros, quoi. Oui, clairement. T'en as déjà perdu un. Ce sera Aston Villa qui, à mon avis, sera décisif. Hein. En tout cas, oui, de toute façon, oui. Maintenant, ça va être compliqué contre Aston. C'est à Monaco ou à Villa ? C'est à Monaco, ouais. Ouais, bon, oui, de toute façon, il faut aller chercher au moins le nul, hein, de toute façon, là. Avec 11 points, ouais, tu peux normalement te qualifier, normalement. Normalement, tu peux te qualifier, ouais. Oui, je pense que là, tu peux dormir sur tes deux oreilles, comme on dit. Donc, je pense qu'un point suffit à Monaco, mais effectivement, c'est vrai que ce match contre Benfica, il peut être plus important qu'on aurait pu le penser, même si on le dit souvent, des fois une saison ça se joue à pas grand chose, ouais. Ça peut se jouer à ça, pas une saison, pas non plus utiliser les grands termes, mais une qualification comme ça, ou direct ou non, ça peut se jouer là-dessus, donc effectivement, même Monaco à la place allait battre Villa, donc moi j'ai confiance à Monaco, là c'était le grand Arsenal, j'ai critiqué l'état d'esprit monégasque, mais voilà, encore une fois, il n'y avait pas grand chose à faire quand t'as Arsenal en pleine bourre comme ça. Ouais. Et puis ce sera janvier, il y a pas mal de blessés, les blessés sont de retour aussi, donc ce sera un autre visage, hein, de Monaco, hein, qui ce sera dans un mois, hein, donc d'ici là, il va se passer des choses. J'espère aussi. Il faudra pour aller chercher mieux et Parce que là, actuellement, voilà, 10 points plus 2, ça peut passer, mais pas sûr. Donc, il faut au moins prendre un de plus, quoi. Au minimum. On verra. Oui. On verra. En tout cas, ce sera donc le 22 et ensuite, il y aura l'Inter. Alors, d'ailleurs, tiens, la dernière journée, ce sera inédit, puisque tous les matchs auront lieu en même temps. Pour la 8e journée, tous les matchs, le mardi, mercredi 29 janvier, il y aura. 18 matchs en même temps. Ah ouais. Ouais. Ouais, ça va être un beau bordel les multiplex. Ça va se mettre partout à chaque fois. Ah là ça va être sympa. Donc voilà, donc en tout cas ce sera pour finir le 29 janvier puis il y aura d'abord le 21 et le 22 pour la l'avant-dernière journée. Rapidement ce qui s'est passé aussi mercredi, on avait donc la victoire de l'Atlético qui a battu Bratislava logiquement 3 hein, en plus avec un double de Griezmann, fait toujours plaisir. Ouais. L'Atlético qui enchaîne bien, on en parlera après avec le championnat, mais c'est plutôt une grosse période de l'Atlético qui va bien. Énorme même, hein. Et, là, ouais. Avec ce week-end, c'est 10 matchs sans défaite ou 10 victoires même d'affilée, je crois. Peut-être même 10 victoires, je t'avouerai que je sais pas dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a une grosse série. Oui, c'est ça, 10 victoires consécutives. Ouais. Depuis, depuis Griezmann qui est énorme aussi. Ouais, qui est en pleine bourre. Ouais, ils n'ont pas perdu depuis fin octobre. Donc ils sont vraiment sur une grosse série. Après, il y a toutes les compétitions, mais en tout cas, c'est sympa la série qu'ils sont en train de faire. Donc qui élimine du coup Bratislava. On avait la victoire du Milan AC face à Belgrade 2-1. Le Barça qui a gagné à Dortmund 3-2. Hein, voilà, c'était un scénario aussi sympa à suivre. Donc pour le Barça qui en profite pour passer deuxième du coup et que voilà quasiment se qualifier pour le top 8 hein, avec 15 points, t'es même très très bien placé, donc le Barça qui a fait un grand pas en gagnant. Et puis on avait on peut parler deux secondes de ce Juve City qui était déterminant pour les deux hein. Alors la Juve un petit peu moins, mais surtout le City on en parlera. City qui a fait une semaine encore catastrophe avec cette défaite face à la Juve, puis on en parlera après de cette rencontre face à United, mais City qui avance plus hein, et la Juve un petit peu plus, même si c'est pas ça ces dernières semaines, mais en tout cas il fallait gagner pour eux et ils ont réussi à le faire. Bah, c'est là où tu vois que City a vraiment un problème, c'est qu'effectivement cette Juve qui est vraiment très moyenne, et encore une fois ce week-end on en parlera tout à l'heure aussi, mais qui n'est pas passé loin de la correctionnelle, mais voilà, c'est là où tu vois que City est vraiment très malade, c'est qu'effectivement perdre contre cette Juve là qui n'est pas exceptionnel, mais qui a été efficace certes, mais qui n'est pas exceptionnel, c'est que oui, City est vraiment dans le mal et on a du mal à vraiment à trouver des raisons. Alors des fois c'est juste comme ça, c'est une fin de cycle, ça arrive comme ça sans prévenir, il n'y a pas vraiment de signaux et puis ça arrive d'un coup, tu comprends pas trop. Après voilà, City ça a été une longévité, je parle déjà au passé, alors on ne sait pas, ils vont peut-être vite se relever, on ne sait pas, mais ils ont quand même été au top niveau pendant presque 10 ans là quand même. Hein. Ils ont enchaîné les titres en Première Ligue, et cette Ligue des Champions il y a deux ans, c'est ça. Donc voilà, après c'est sûr que fallait bien que ça arrive à un moment qu'il y a un gros coup de moins bien, ça arrive en ce moment. On sait pas trop pourquoi là. Après il y a des joueurs qui ont beaucoup moins d'impact. Je pense à De Bruyne qui honnêtement, 33 ans, là, il a été un petit peu blessé plusieurs fois ces derniers temps. Il a plus le même impact, c'est toujours cette vista, ces pieds magiques, mais il a plus ce même impact qu'avant. Haaland, il a plus beaucoup de ballons forcément à se mettre sous la dent, donc il est de plus en plus fantomatique également. C'est un mélange de tout ça, et effectivement, ce City-là, est vraiment pas bon en ce moment, et voilà, la Juve en a profité, en marquant ces occasions-là, et même s'ils sont relativement, ils n'avaient pas le ballon en tout cas dans ce match-là, hein, c'est du 30-70, hein, ce match-là pour la Juve en termes de possession. Mais ils ont été très efficaces, et City beaucoup trop timoré, c'est à l'image de leur forme actuelle depuis plusieurs semaines. Bon, en tout cas, c'est un résultat très important évidemment pour la Juve de gagner ce match-là, parce que voilà, la Juve est maintenant 14e, ils sont à peu près assurés d'être au moins barragistes, hein, donc c'est sûr que c'est un gros résultat pour eux, une victoire contre City quand même. Ouais, exactement. Et on parlera de ces deux clubs juste après dans les championnats. Hein. Et c'est vrai que la Juve, ça a été un petit peu la parenthèse, parce que c'est vrai que sur le reste de ces résultats, c'est compliqué. Hein. Grâce à cette victoire, c'est seulement leur troisième victoire sur les 12 derniers matchs. Hein. C'est rien. Ah ouais, c'est rien du tout. Hein. C'est catastrophe. On en parlera tout à l'heure avec le championnat. Et tu l'as dit, c'était pas assez loin. Et on en parlera aussi de City juste après, évidemment. Voilà, et pour finir, et donc Stuttgart qui a gagné donc 5-1 face à Berne, qui élimine donc cette équipe suisse. Donc Liverpool, on l'a dit, est leader, 18 points. Ensuite, on a le Barça, Arsenal, Leverkusen, Villa, l'Inter, Brest et Lille dans le top 8. Et ensuite, on a Dortmund qui est 9e, l'Atletico 11e, la Juve 14e pour le moment, le Real 20e, City 22, Paris 25, juste dans les barrages pour l'instant. Et puis, on l'a dit, donc Leipzig, Bratislava, Berne pour l'instant éliminé. Et alors, je ne sais pas si tu as vu qu'il y a un scénario qui est possible, qui éliminerait Paris directement après le match de City. Alors, c'est évident, il faut que tout s'aligne, mais si Paris s'incline face à City, et que dans plein de matchs c'est favorable, ça peut éliminer Paris. Hein. Bon, il y a quand même des critères de fou, mais en théorie c'est possible. Donc, on en reparle encore, mais ce sera un match qui vaudra beaucoup face à cette équipe de City. Voilà, ouais. En tout cas le classement. Oui, tu voulais rajouter Non. J'ai acquiescé. Très bien. Très rapidement, la Ligue Europa, puisqu'on a pris beaucoup de temps sur la Ligue des Champions, donc très très rapidement, les deux clubs français, du coup, qui c'est un petit peu depuis le début un petit peu pareil. Hein. Lyon qui va bien, qui a gagné 3-2 face à Francfort. Voilà, donc qui leur permet pour l'instant d'être quatrième. Qualifié aussi pour les barrages. Voilà, bravo encore à ce type de Lyon qui fait une grosse campagne européenne pour l'instant et qui a battu Francfort en plus concurrent direct, hein, donc fallait le faire. Et en revanche pour Nice, pour Nice, défaite face à l'Union Saint-Gilloise, et pour Nice ça se complique encore un peu plus, et on peut presque le dire, avec 2 points c'est fini, hein, de toute façon, hein. Là maintenant ça semble compliqué. Hein. Bah là, oui. Ou alors, mathématiquement, vraiment, je sais pas si c'est encore le cas mathématiquement, mais même si tu gagnes tes 2 matchs, ça te fait 8. Avec 8, je pense pas que tu puisses passer. Hein, ça peut si vraiment tout s'aligne, mais ça me semble trop, trop. Et de toute façon, au vu de ce qu'il a réalisé, ce serait presque pas mérité. Je sais pas si on peut dire pas mérité, mais ce serait pas logique, quoi, de se qualifier. C'est pas logique, mais ouais, je pense qu'il y a très peu de chance encore d'espérer même une qualif, pas d'atteindre ces barrages-là. Maintenant, ils jouent contre des clubs c'est une histoire abordable. Hein. Ils vont jouer contre l'Elfsborg Boras, le club suédois, et puis contre Bodø Glimt. Bodø Glimt, c'est une Norvégien, je crois. Je sais plus, ils sont classés, je les cherche, Bodø Glimt. Je te vois pas. Oui, oui, c'est possible. Alors, de gagner les 2 matchs, c'est sûr. Mais de se qualifier, ça me paraît compromis. Ouais, ils sont 13e. Ouais. Pour l'instant, ils sont virtuellement barragistes. Ouais, c'est bien les Norvégiens, c'est ça. Mais il faudrait gagner en claquant des scores, quoi. Maintenant, quand on voit ce mix-là, on les voit pas. Alors déjà, on les voit pas gagner. Ouais. Mais en plus, en mettant des scores, oui, c'est. Écoute. Tant qu'il y a de l'espoir, voilà, je vais te dire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oui. Donc bon, j'ai envie de te dire, voilà, autant essayer d'aller chercher ça. Maintenant, alors je vais pas comparer Nice à City parce que ça n'a vraiment rien à voir, mais franchement, ce début de saison avec Franck Hez sur le banc, Franck Hez, on le retrouve mais absolument pas, on retrouve même pas sa patte dans l'équipe. Alors je sais bien que ce soit pas les mêmes joueurs qu'il avait à Lens, mais non, c'est vraiment très compliqué. Et même lui, on le voit sans solution. Je l'avais déjà dit sur cette antenne ici. Enfin, puis lui, il a dit en conférence de presse, mais il a eu une grosse période un peu de doute, lui, de presque de déprime, donc d'accumulation de matchs comme ça. Et là, ça se ressent beaucoup. Et Nice, franchement, il y a 0 solution. C'est une catastrophe. Même des joueurs comme Rosario, c'est à chaque fois, ça offre des cadeaux aux adversaires pour marquer des buts. Non, Nice, c'est extrêmement compliqué. En Coupe d'Europe, c'est très très dur. Et bon, effectivement, moi, alors même s'il y a une infime possibilité d'aller accrocher un barrage, ça risque d'être très compliqué, voire mission impossible. Mais bon, faut tenter le tout pour le tout. Mais à voir si, pareil, au mercato, s'il y a moyen d'aller chercher une petite pépite, un petit coup malicieux, j'ai envie de te dire. Mais bon, ça va être très compliqué pour Nice, quoi. Ouais, là, ça semble mission impossible. Et puis, bah, juste en deux mots, Lyon, bah, du coup, qualifié. Ah oui. Bah ouais, bah, comme tu l'as dit, de toute façon, Lyon, très grosse campagne européenne, contre un adversaire direct, la Francfort. Francfort qui, pareil, est en championnat en Allemagne est aussi très bien classé, donc fallait aller les chercher. Ces Allemands-là, et ils ont fait le job, ils étaient menés, mais ils ont vite réagi. Cherki a été encore une fois très bon, et ça commence à devenir régulier, enfin, hein, parce que Cherki, il enchaînait les prestations en denti bah, depuis le début de sa carrière professionnelle, et là, on a enfin l'impression qu'il commence à s'installer, à être beaucoup plus intelligent sur un terrain, et surtout, il commence à enchaîner les titularisations, ce qui n'était pas le cas avant non plus. Il rentrait beaucoup, ou voilà, de temps en temps, il commençait les matchs, effectivement, mais là, il enchaîne vraiment les titularisations. Et donc c'est bien aussi de voir ce joueur-là se développer. Et voilà, en tout cas, ça fait un Lyon voilà, brillant et très bon sur cette scène européenne et qualifié. Et c'est très bien pour le foot français, et puis c'est très bien aussi pour le club, mine de rien. Voilà, de les retrouver à ce niveau-là. On avait encore peur en tout début de saison que Lyon repasse à un début de saison catastrophique, ou une saison catastrophique même. Et ils sont vite rattrapés. Et là, non, franchement, c'est une top équipe dans cette Ligue Europa, quoi. Ouais, tout va bien pour Lyon en Europe, et va bien mieux aussi, on va en parler, mais en championnat. Donc voilà, et donc pour revenir là-dessus, bah, Lyon on a dit 5e, et Nice, du coup, pour le moment, bah, 2 points qu'avant-dernier, hein, avec 2 points. Donc seul Kiev fait moins bien que 0. Donc quatrième, pardon, Lyon. Je dis cinquième, c'est quatrième, donc encore mieux. Ouais. Qui terminera Lyon face à Fenerbahçe et face à Razgrad. Donc deux équipes abordables de toute façon pour Lyon qui est plutôt à l'aise dans cette compétition. Voilà pour clôturer cette page européenne. On revient en France alors que c'est la mi-temps en Italie et l'Inter mène 2-0 pour le moment face à la Lazio qui est plus fort. Et en Ligue 2, ça a repris depuis 4 minutes, c'est entre Dunkerque et Caen, toujours 0-0. Notre tour d'Europe habituel, on démarque l'Allemagne. On va faire un ou deux matchs hein, parce qu'on n'est quand même pas en avance. D'abord, bah, la défaite du Bayern là qui on va le voir permet à Leverkusen de revenir de grappiller. Défaite à Mayence qui menait même 2-0, qui est revenu à 2-1, et du coup Bayern voilà, qui a peut-être laissé quelques plumes en Ligue des Champions, en tout cas qui concède là sa première défaite de la saison. Ça y est, ils sont plus invaincus. Ouais, puis en plus ils ont été un petit peu pris surpris par un de leurs joueurs qu'ils ont prêté justement à Mayence, hein, qui a signé deux passes décisives. Mais ouais, voilà, Mayence qui a été efficace dans les quelques occasions qu'ils ont eues, contrairement au Bayern hein, qui a tiré 13 fois au but, mais qui n'a cadré qu'une seule frappe, ce qui est quand même relativement rare de la part de ce club-là. Mais c'est peut-être là que tu vois aussi que Kane n'est pas présent, tu vois. Donc c'est aussi là que tu vois qu'il manquait ce joueur-là capable de te marquer des buts un petit peu à n'importe quelle position. Et effectivement, là, c'est le Bayern a été surpris. Et alors c'est pas une bonne opération pour eux. Maintenant, ils ont toujours de l'avance. Puis ils ont quand même un goal average aussi très confortable hein, par rapport au poursuivant. Hein, le Bayern c'est plus 30 et Leverkusen c'est plus 12, Francfort c'est plus 14. Donc voilà, comme tu dis, ils ont peut-être dû laisser un peu de plume, c'est la fin d'année civile, c'était encore une fois une année chargée pour tous les organismes, donc voilà, il n'y a rien de catastrophique. Mais c'est vrai que c'est assez rare de voir le Bayern malmené comme ça et surtout aussi plus efficace devant le but. C'est vrai que c'est assez étrange, mais voilà, on va mettre ça sur le compte de la fatigue. On va dire ça comme ça, je pense que la trêve va faire du bien à certains. Oui, exactement. Le Leverkusen qui en profite du coup pour revenir à 4 points après son succès à Augsbourg 2-0. Et puis il y avait un autre gros match aussi entre Leipzig et Francfort. Et Leipzig du coup vainqueur qui du coup revient à hauteur de Francfort à la 3e place. Victoire donc 2-1 pour Leipzig. Donc ça fait donc le Bayern est leader avec 33 points, on a Leverkusen avec 29 points. Et puis Francfort et Leipzig 27 points. Voilà, donc ça se resserre doucement et désormais on va tous aller Donc à la trêve, alors qu'il y aura un dernier match, hein, il y aura une dernière journée en Allemagne ce week-end, puisque en France c'est la Coupe de France, mais du coup il y a une journée en Allemagne et on aura un Bayern Leipzig qui est intéressant, on peut noter. Ouais. Voilà, il s'agira de faire mieux pour le Bayern pour rester bien leader. Il y aura Leverkusen face à Fribourg notamment, qui est juste cinquième, hein, donc aussi c'est intéressant cette rencontre entre deux duos de tableau. Donc voilà les deux matchs qu'on peut vous donner. Ce sera samedi à 15h30. Voilà. Pour ces deux rencontres. Et puis on n'était pas revenu depuis, mais la Coupe d'Allemagne, on connaît les quarts de finale. Et le Bayern a été éliminé face à Leverkusen. Donc 1-0. Et donc ne verra pas les quarts de finale. Donc on connaît les affiches Leipzig, Wolfsburg, Bielefeld. Donc en D2, Werder Bremen, Stuttgart, Augsbourg et Leverkusen, Cologne, voilà, qui fait voilà affiche office de favori de dans ces quarts de finale par rapport aux autres équipes. Voilà donc pour l'Allemagne, l'Italie, donc Serie A avec la 16e journée qui se clôture ce soir. Donc on le verra face à la Lazio et l'Inter. Eh bien pour le moment, Bergame toujours leader. Après son succès face à Cagliari 1-0, bah voilà, Cagliari qui était nettement inférieur, hein, au classement, et cette équipe de Bergame, bah bien en Ligue des Champions, puis très bien en championnat, hein. C'est vraiment une grosse forme. Ouais, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure aussi sur le résultat du Real en Ligue des Champions en gagnant là-bas. C'est que l'Atalanta, c'est encore une fois une très belle équipe qui devient presque un nouveau gros d'Italie. Quoi. Ils n'avaient pas perdu depuis le 24 septembre. Hein. Toutes compétitions confondues, ouais. Et il n'y avait eu que deux nuls jusque là, donc avant cette défaite face au Real, donc grosse série, et ouais, c'était pas facile de la dire. Mais c'est vrai que le travail de Gasperini, le coach, hein, à la tête de l'Atalanta, c'est assez monstrueux, hein, parce que l'Atalanta, à la base, le palmarès, c'était qu'une Coupe d'Italie en 63. Hein. Là, t'as juste une Ligue Europa en plus qu'ils ont gagné la saison dernière, et là, alors, je dis pas qu'ils vont les gars aller chercher le titre, mais en tout cas, là, ils jouent le titre. Et c'est fou quand même de retrouver cette équipe-là. Finalement, elle commence à enchaîner finalement. Ouais. Ça fait quelques saisons qu'on les voit de mieux en mieux. Comme j'ai dit, ils ont gagné la Ligue Europa, une Coupe d'Europe la saison dernière. Là, ça va jouer le titre. En tout cas, là, à leur hache, ça joue le titre. Non, effectivement, c'est intéressant de voir cette équipe se développer petit à petit. Pourtant, pas avec des grandes stars dans son effectif. Mais c'est un bon football et c'est une très belle petite équipe, cette Atalanta, qui ouais pour l'instant joue à fond sa carte et son jeu, donc effectivement ça enchaîne très bien pour l'Atalanta. Le Napoli qui suit aussi le rythme imposé par le leader, vainqueur à Udinese 3-1, deux points derrière pour l'instant, toujours ça reste à distance, et malgré l'ouverture du score de Tovin, c'est Naples qui gagne et bah, qui suit ce gros rythme imprimé par Bergame. Ouais, c'est ça. Bah, y a une première période un peu mitigée du Napoli, effectivement, bah, avec cette ouverture du score, c'est Ali Tobin qui manque son penalty, mais le ballon revient sur lui et il a plus qu'à la pousser au fond. Donc voilà, c'est un petit peu une première période un peu serrée. Le Nap a eu des occasions, mais n'a pas ouvert le score. Et en seconde période, voilà, ils ont pris vraiment l'ascendant et ils ont maîtrisé ce match et ils ont marqué 3 buts, hein, par Lukaku, par Zambourghissa, l'ancien Marseillais, et puis un but contre son camp d'un joueur du Dinese. Mais voilà, donc, ils seront vraiment remis dedans en seconde période, et voilà, comme tu as dit, ils suivent le rythme pour l'instant de l'Atalanta devant, et bah, ils sont toujours largement dans la course au titre de Napoli. Et puis un dernier match, hein, pour finir, tu l'as dit, la Juve qui a évité la correctionnelle, du coup, et qui a égalisé dans la toute dernière seconde, et qui évite une défaite face à la Lanterne Rouge Venise. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, ça a été un match assez bizarre un petit peu, mais cette Juve-là qu'on connaît depuis des saisons, c'est pas du tout régulier, même dans un seul match en fait. Ils ont des temps forts, ils marquent ou ils marquent pas, ça reste maladroit, ça reste friable, et puis voilà, Venise en a profité jusqu'à mener 2-1 à la 83e avec un CSC justement de Gatti, hein, qui avait marqué du bon côté à la base en première période. Et puis ouais, il y a ce but un peu miracle, même un peu controversé sur penalty, ouais, à la 90+5. Ouais, voilà, c'est un petit peu, oui, une décision arbitrale, voilà, justement discutable, mais qui les fait revenir dans ce match à la dernière seconde, quoi. Donc voilà, ça se joue à rien. Mais effectivement, c'est pas une grande Juve, encore une fois, qu'on a cette année avec Thiago Motta. Ça a plutôt bien commencé en début de saison, en tout début de saison. Mais là, voilà, la Juve depuis plusieurs semaines est bien retombée dans ses travers et effectivement, il y a des manques un petit peu à chaque poste. Voilà, même si Kefren Thuram aurait pu marquer un très beau but, hein. Je crois que c'est en première période, il, en dehors de la surface, il enroule bien son ballon, ça passe juste à côté de l'équerre du but, mais voilà, mais bref, la Juve reste beaucoup trop friable et effectivement, voilà, faire 2-2 contre le promu Venise, ouais, et la Lanterne Rouge d'ailleurs. C'est pas un bon résultat du tout, ouais. C'est pas du tout un bon résultat, même si, non seulement parce que t'as la vieille dame, mais même si t'es la Juve qui va pas trop bien en ce moment, c'est évidemment un très mauvais résultat. Juste pour finir, du coup, on avait aussi le Milan AC face à Genoa, pas de but, 0-0. Puis l'AS Roma, nouvelle défaite à Com dans les derniers instants du match et qui du coup est 12e hein, désormais. Donc Bergame leader 37 points, Naples ensuite avec 35 points, l'Inter et Fiorentina et la Lazio 31. La Juve sort du top 5 et 6e avec 28 points. Le Milan AC un petit peu moins bien, même 8e, 23 points. L'AS Rome 12e. 16 points. Donc désormais, et puis en bas, donc Cagliari, Monza et Venise. Et puis donc en direct, toujours l'Inter qui mène 2-0 à la Lazio et qui pour l'instant est troisième toujours, mais qui revient à seulement un point du Napoli. La Roma qui est à 2 points de la zone rouge. Et la S-Rom qui est, ouais, exactement, qui a 2 points. Ouais, c'est ça, Cagliari. Attention, un gros danger. Hein. On en parle chaque semaine, mais là, ça devient très compliqué pour cette équipe. Cette semaine, suite et fin des huitièmes de finale de la Coupe d'Italie, puisqu'on aura donc les quatre derniers huitièmes. On aura la Juve face à Cagliari, justement, qu'on en parle à l'instant, demain à 21h. On aura ensuite mercredi deux autres matchs, Bergame face à Cesena, de club de série B, et AS Rome face à Gênes, et enfin jeudi pour clôturer Inter Milan Udinese. Quatre de ces clubs iront rejoindre donc Bologne, Milan AC, Empoli, Lazio qualifié donc il y a 15 jours, et Napoli qui est sorti du coup face à Lazio dans ce huitième. C'était l'un des chocs de ces huitièmes donc qui s'arrêtera ici. Voilà pour l'Italie. Puis ce week-end, 17e journée, on jouera. Cette journée, il n'y aura pas de, je revérifie. Pas vraiment d'affiche, non. Non. Tous les gros jouent, ils jouent pas contre, donc. Il n'y a pas de grosses affiches à mettre en avant. Tiens, une dernière info qui concerne Mike Maignan, qui a priori prolongerait avec le Milan AC jusqu'en 2029, hein. C'est ce qu'a annoncé l'un des quotidiens italiens, la Gazzetta dello Sport, et a priori, ce serait officiel dans quelques petites heures ou quelques petits jours pour cette prolongation du gardien français. Voilà pour les petites infos en Italie. L'Espagne, alors que Dunkerque a ouvert le score, tiens, du côté de la Ligue 2 face à Caen, donc 1-0 à la 60e minute, on joue à l'instant. L'Espagne donc avec la Liga, c'était donc la 17e journée, 3 matchs. On va parler notamment du Real face au Rayo Vallecano, qui avait l'occasion on le verra avec les résultats qu'il y a eu derrière, mais de repasser leader. Ils ont pas réussi cette performance, puisqu'il y a eu un match nul, match assez fou, hein. Il s'est passé beaucoup de choses, ils ont remonté 2 buts, enfin voilà, c'était un match animé encore. Ouais, franchement, le Rayo Vallecano a fait un super match. C'est une très petite équipe, franchement, avec des joueurs de qualité. Je pensais à l'ouverture du score de Lopez à la 4e minute de jeu, justement, avec un super débordement de De Frutos côté droit, qui vient faire c'est son petit numéro de passement de jambe, tout ça, un petit peu sur Franz Garcia côté droit. Donc, vraiment une belle petite équipe. Il menait 2-0. Il y a vraiment quasiment une bonne demi-heure où le Rayo a dominé ce match. Après voilà, il y a Valverde qui a placé une frappe, une superbe frappe de loin hors de la surface, qui vient surgir dans le petit filet opposé, où ça fait 2-1. Donc voilà, le Real se remet un petit peu dans le match comme ça. Juste avant la mi-temps, Bellingham, comme je l'ai dit tout à l'heure, se remet à marquer. Hein, ça y est, ouais. C'est la machine est repartie. On retrouve vraiment un Bellingham de haut niveau. Comme on l'a connu la saison dernière, notamment là avec l'absence aussi peut-être de Mbappé, c'est peut-être ça aussi qui lui donne un peu plus de d'espace et de liberté pour s'exprimer pleinement. Mais voilà, ça fait 2-2 donc à la mi-temps, effectivement, là, voilà, on se dit que le Real peut reprendre l'ascendant dans ce match-là. Et c'est le cas justement lors de jeu avec Rodrigo qui pareil va mettre un superbe but en pleine lucarne, il me semble, si je me souviens bien. Ça fait 3-2, mais dans la foulée aussi, pareil, moins de 10 minutes après, Vallecano, pareil, réagit. Et non, franchement, ça a été un très très beau match, très ouvert, franchement avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Mais effectivement, ça fait freiner ce Real Madrid qui aurait pu en profiter effectivement pour passer premier, même avec un match de moins que le Barça. Donc effectivement, c'est un mauvais résultat pour ce Real-là, mais face à une belle équipe, une autre équipe madrilène, hein, Vallecano, qui franchement a un très très beau match ce samedi. Tout à fait. Et d'ailleurs, le Real qui connaît son report face à Valence sera le 3 janvier, hein, tout juste après la trêve, qui aura l'occasion peut-être de repasser premier à ce moment-là, on le verra. Pour le Real qui jouera donc son match de retard. L'Atlético, très rapidement, on en a parlé un peu tout à l'heure, qui poursuit sa série, qui gagne 1-0 face à Retafe et qui du coup, on le verra avec la défaite du Barça, revient à hauteur du Barça, hein, et avec un match en moins aussi du coup. Hein. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Alors ça a été un match un petit peu plus compliqué, hein, pour l'Atlético par rapport à ce qu'ils nous ont habitués ces dernières semaines où ils ont vraiment notamment mis des gros scores, hein, ces dernières semaines. Donc là c'est un peu plus compliqué, un peu plus poussif, voilà, gagner 1-0, but seulement à la 69e de Sorloth, mais voilà, comme tu as dit, hein, ils continuent leur très bonne forme, leur grosse dynamique, ils ont fait le job à domicile, ils ont quand même relativement dominé ce match, voilà, et comme tu dis, ils ont toujours un match aussi en moins que le Barça. Donc le Barça, on va en parler juste après, mais ce mauvais résultat de ce week-end, ils peuvent le payer, ils vont peut-être pouvoir le payer un peu cher. Mais ouais, l'Atlético qui continue sur sa très grosse forme. Ouais, donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec 10 matchs, enfin 10 victoires d'affilée. Donc franchement, ouais, un très bel Atlético. On a l'impression que c'est un peu le match contre Lille en fin octobre qui les a un peu reboostés. Après, ils avaient enchaîné avec une défaite contre le Betis, mais depuis, c'est 10 victoires effectivement. Donc voilà, mais ouais, l'Atlético là qui franchement. Promet de belles choses pour cette année 2025. Griezmann qui était moins présent là sur ce match-là, contrairement à Paris aux dernières semaines où il a été extrêmement important, buteur, passeur, etc. Là un peu moins, mais c'est quand même une belle victoire pour l'Atlético, très importante effectivement. Et qui, alors en plus hasard du calendrier, mais jouera le Barça ce week-end. Hein. Ouais, en plus, donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour les deux. Alors l'Atlético. Et peut-être un petit peu plus favori parce que quoi? Parce que bah déjà ils sont sur une excellente dynamique. Le Barça moins, parce que le Barça ils ont enchaîné une troisième défaite en 4 matchs de Liga. Et puis surtout Yamal est blessé pour 3 à 4 semaines. Donc c'est pour ça que l'Atlético a vraiment une carte à jouer ce week-end. Ouais, clairement. C'est le moment. Ouais. On va en parler juste après. Et puis le Barça, justement, qui a perdu face à Leganés. À domicile, butant tout début de match, et du coup, ça aura beaucoup d'incidence, puisque maintenant ils n'ont plus d'avance, et ils pourraient même, du coup, passer troisième, hein, si toutefois Tico et le Real gagnent leur match de retard. Ouais, c'est ça, puis je t'ai dit, que la blessure de Yamal pendant 3-4 semaines, parce qu'il est blessé à un ligament de la cheville droite, donc, il va être absent peut-être un petit mois, donc. Ça peut faire mal au Barça, et en tout cas sur ce match-là, Yamal a manqué de lucidité aussi dans le dernier geste, un peu comme Lewandowski ou Rafinha. Enfin, en tout cas, le trio offensif a manqué vraiment il n'a pas été clinique du tout, en tout cas sur ce match-là. C'était quand même 20 tirs et 4 tirs cadrés seulement, hein, pour le Barça. 4 tirs cadrés, c'est également la stat de Leganés, mais seulement pour 6 tirs, donc ça a été beaucoup plus efficace. Et voilà, pourtant il y avait 80% de possession, hein, pour le Barça. Mais non, globalement, ils ont pas été en réussite sur ce match-là, et ils l'ont payé cash. Ils l'ont payé cash, et effectivement, tu l'as dit, s'ils perdent contre l'Atlético et que le Real gagne, ils perdent beaucoup de choses, ils sont troisième. Donc attention au Barça, effectivement, ce week-end, avant la trêve, avec cette absence de Yamal qui peut faire mal aussi, attention à ne pas perdre beaucoup. Quoi. C'est ça. Alors en réalité, l'Atlético et le Real, ils ont pas de match de retard. Enfin, 17 matchs, c'est le nombre de matchs qui a eu joué. Mais en fait, le Barça a un match d'avance, hein, puisque on rappelle, du coup, il y aura la Super Coupe d'Espagne qui va concerner du coup Bilbao, Mallorca, Barça et le Real. Donc ils ont déjà joué un match d'avance. Mais le Real a un match de retard, puisqu'il y a eu ce match face à Valence. Mais en tout cas, l'Atlético n'a pas de match de retard. L'Atlético a le bon nombre de matchs, mais c'est vrai qu'ils ont un match de moins que le Barça. Donc c'est vrai que ce match de ce week-end, il va être très intéressant parce que, avec une victoire, tu prends 3 points d'avance. Et potentiellement, quand tu vas revenir à jour, tu pourras, prendre 6 points d'avance. Donc ça va être sympa parce que là, il y aura ce Barça-Atlético, donc, dimanche. C'est dimanche. J'ai pas été voir, mais ce week-end en tout cas. Et ouais, c'est ça. D'accord. Et, ce sera non samedi soir, 21h. Et donc juste après. Ouais, je c'est samedi soir. Ouais. Et à la reprise, donc ce sera le 11 janvier. L'Atlético reçoit Osasuna. Et du coup, le Barça et le Real ne jouent pas puisque ils vont jouer la Super Coupe d'Espagne. Donc du coup. À ce moment-là, l'Atlético aura peut-être la possibilité de prendre 6 points. Donc c'est vrai que ce match qui va arriver ce week-end va être très très important pour l'Atlético et puis pour le Real aussi, du coup, qui pourrait profiter de ce qui va se passer dans ce match, hein, puisque évidemment un match nul, ça pourrait vraiment les arranger. Et du coup, ce sera face à Séville, ce match face pour le Real. Donc voilà, donc ils vont aussi avoir à cœur de s'imposer avant la trêve. Donc voilà ce qui va se passer donc ce week-end. Je te coupe juste parce qu'il y a quand même 4-0 pour l'Inter là face à la Lazio. 4-0, ah ouais quand même. Ah ouais. Ouais, ils ont marqué 2 buts coup sur coup là de Barella et de Dumfries, 51e, 53e. Ils prennent le large là, ouais. Ah oui, d'accord. Et on va suivre ça. Mais en tout cas, ouais, ça part bien en tout cas pour l'Inter. Et puis donc l'autre match pour l'instant ça n'a pas bougé puisque si 2-0 pour Caen, voilà, bah donc ça bouge aussi, ça bouge partout dans pour Dunkerque. Face à Dunkerque, ouais, exactement. Non, pour Dunkerque. J'ai dit quoi, pour Caen? Oui, t'as dit pour Caen. Ah pardon, pour Dunkerque. Non, pour Dunkerque qui mène du coup 2-0. On continue avec du coup la suite, hein, on était sur l'Espagne, donc le classement on l'a pas donné, mais donc le Barça et l'Atlético sont à 38 points et la Real avec 37 points, puis Bilbao est à 33. Après il y a un trou, hein, Mallorca 5e, 27 points. Finalement voilà, il y a 4, le top cut est quand même bien bien dessiné, et après c'est assez loin, et puis en bas l'Espagnol, Barcelone, Valladolid et Valence, donc qui clôture donc ce classement. Voilà pour cette partie Espagne. On finit avec l'Angleterre. Donc voilà, il s'est passé aussi pas mal de choses en Angleterre ce week-end avec bien sûr on en parlera, hein, de ce choc d'hier entre City et United. Liverpool d'abord, qui est freiné par Fulham. Donc 2-2, alors qui s'en sort même presque bien, hein, qui a arraché un point alors qu'ils étaient une très très longue période, quasiment tout le match à 11 contre 10. Hein. Ouais, c'est ça, carton rouge pour Robertson à la 17e minute de jeu, il y avait déjà 1-0 pour Fulham. Hein. Fulham qui avait ouvert le score à la 11e grâce à Andreas Pereira. Effectivement, ils ont réussi à arracher ce nul-là, 10 contre 11 pendant 80 minutes environ. Donc ouais, match forcément un peu plus compliqué quand t'es un de moins, mais ils auraient pu peut-être prendre les 3 points parce que franchement ils ont montré de belles choses même en infériorité numérique. Il y a eu des beaux buts de Gakpo et de Jota, effectivement. C'est là aussi, même dans des situations comme ça où on ressent la patte un petit peu d'Arne Slot, le coach. Liverpool, même à 10 contre 11, est toujours dangereux. Et ils l'ont montré effectivement en égalisant après la pause et en égalisant encore une fois en toute fin de match. Fulham a été quand même efficace parce que voilà, ils ont cadré 3 frappes et ils ont marqué 2 fois. Fulham aussi a quand même fait ce qu'il fallait, mais pas assez pour remporter cette. Ce match à Liverpool, même à 10 contre 11, comme quoi c'est toujours compliqué aussi face à une grosse équipe comme Liverpool, quoi. Ouais, ils n'ont pas réussi à tenir jusqu'au bout. Donc en tout cas, Liverpool qui est freiné, mais du coup derrière, ça n'a pas gagné non plus pour Arsenal. 0-0 aussi. Donc on aurait pu en profiter, hein, du coup, après cet accro de Liverpool, mais ils n'ont pas profité. 0-0 donc face à Everton. Et bah ouais, pour Arsenal, c'est dommage, hein, c'est des occasions manquées. Il y avait eu un match nul aussi le week-end dernier, donc c'est dommage de perdre bah, des points comme ça face à une équipe du Liverpool qui est intenable. Ouais, ouais, non mais on va avoir l'impression vraiment que je me répète et que je sais pas quoi dire à chaque fois. C'est vrai que c'était un week-end vraiment où les grosses équipes, la plupart, ont été vraiment inefficaces. Et Arsenal, c'est pareil. Voilà, j'ai parlé de Liverpool juste avant, enfin pas Liverpool, mais donc c'était qui que je parlais du Barça notamment. Enfin, mais Arsenal, c'est pareil. Arsenal, ils ont eu, attends, j'avais la stat là. Ils ont eu 13 frappes, 5 tirs cadrés seulement, mais ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils auraient pu se procurer beaucoup plus d'occasions que ça. Everton, ils ont fait que défendre tout le match. Ils ont quasiment eu aucune opportunité. Arsenal, malgré ça, n'a pas réussi à remporter ce match parce qu'Everton, effectivement, avait cette tactique de vraiment les attendre derrière et d'avoir un énorme bloc solide défensivement. Et en tout cas, ils ont maintenu Everton parce que oui, ça fait 0-0 à la fin. Donc, Arsenal a dominé tout le match, a été dans le camp d'Everton quasiment tout le match, mais n'a pas su trouver la faille et n'a pas su être efficace en dernier geste également comme d'autres grandes équipes européennes ce week-end. Donc c'est vrai qu'il y avait il y avait ce truc-là ce week-end. Arsenal n'a pas dérogé à la règle. Mais Everton, franchement, chapeau à eux, parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment bien tenu la baraque jusqu'au bout. Et ils ont fait un gros match défensivement. Et Arsenal, voilà, ouais, c'est sûr que c'est pas un bon résultat pour eux, parce que voilà, ils laissent Chelsea à 4 points et Liverpool à 6 points devant. Donc c'est sûr que c'est un nouveau mauvais résultat pour Arsenal qui s'enchaîne. Et oui, face à Everton qui... 16e, hein, c'est vrai que c'est un très bon résultat pour Everton. En revanche, c'est un point qui fait du bien. Mais voilà. C'est un trop gros, très gros point, ouais, ouais. Pour Everton. Oui. Exactement. Et puis, donc, tu l'as dit, Chelsea, hein, qui en a profité, hein, pour gagner 2-1 face à Brentford. Et du coup, qui revient à 2 points. Alors, attention, Liverpool, match de retard, faut le rappeler, face à Everton. Justement, on en parlait un instant, qui n'a pas eu encore sa date de report. Mais du coup, bah, ça, on n'est pas tout à fait sur le classement vraiment juste. Mais en tout cas, ils reviennent en tout cas à date, à 2 points. Et c'est important de ne pas laisser vraiment Liverpool s'échapper. Hein. Pardon, j'ai rien d'autre chose, tu disais. Je disais, ouais, donc cette victoire de Chelsea, elle est importante, bah, de ne pas laisser Liverpool s'échapper et ouais. Profiter de cette petite accro, hein, face à Fulham. Ouais, exactement, oui. Bah, Chelsea, de toute façon, qui est dans vraiment une bonne passe, encore une fois aussi, dans une bonne dynamique. Et ils ont vraiment fait le job très largement. Ils ont surdominé ce match-là contre Brentford. Et ils n'ont pas perdu depuis fin octobre, depuis le 30 octobre en coupe de la Ligue et en championnat. Ils n'ont plus perdu même depuis le 20 octobre, hein, c'est à Liverpool, justement. Ouais. Et depuis ça, ils ont plus perdu. Ils ont même enchaîné combien? 3, 4, 5, 6, 7, 11 matchs sans défaite. Et là ils sont sur 7 victoires d'affilée. Donc non, franchement Chelsea qui enchaîne très bien, c'est une très belle équipe avec un très beau match de Jackson notamment qui a marqué justement l'attaquant, le numéro 9. Donc voilà, encore une très belle opération et un très beau match de Chelsea, même si ils ont gagné que 2-1. Mais en tout cas, ça a été une belle performance et 3 points très importants de prix pour eux. C'est ça, qui revient à 2 points et on avait évidemment ce City United qui valait beaucoup pour City, alors pour United aussi, mais surtout pour City dans cette période-là. Et ils menaient pourtant, ils ont tenu quasiment toute la deuxième période et ils ont craqué dans cette fin de match. C'est fou, enfin, on devait voir City comme ça. On a l'impression qu'il y a une malédiction. Ouais. Mais en fait, c'est aussi, enfin, logique. Logique aussi, quelque part, de prendre des buts comme ça, c'est dans cette période-là qui est catastrophe et les matchs se ressemblent, en fait. Hein. Ouais, on a l'impression que la confiance n'est plus là, en fait. Et comme je disais, c'est non seulement un coach, mais toute une équipe qui n'est jamais habituée à ne pas l'avoir, cette confiance. Même, alors, ça, évidemment, ça arrivait chaque saison que City perde quelques matchs. Mais effectivement, sur une période comme ça, les joueurs et le coach ne sont pas du tout habitués. Ça ne sait pas aussi forcément comment gérer ces émotions-là. Et même gérer un score à ce moment-là, du coup, c'est compliqué. Ça reste un derby aussi. Hein. Ça reste le derby mancunien. Même si United est en dessous depuis presque 10 ans maintenant, ça reste un derby important pour ces deux clubs. Et effectivement, quand tu as une ambiance particulière comme ça et que tu es dans une mauvaise passe, tenir un score, c'est pas simple. Surtout en fin de match, évidemment, quand les joueurs la plupart sont fatigués, les organismes sont fatigués. Et effectivement, ils ont craqué, ils n'ont pas su, parce qu'ils ont eu des occasions en seconde période, hein, de faire le break. Ouais. Mais ça, ils les ont pas conclus simplement et bah à ce niveau-là ils sont bien placés pour le savoir, mais ça c'est ils cachent aussi, donc effectivement ils sont punis par leur inefficacité, mais c'est comme tu dis, les matchs se ressemblent, hein, se suivent et se ressemblent, et effectivement ce match-là n'a pas été une exception, mais c'est vrai que là quand on voit les dernières performances, c'est une catastrophe pour City, hein, je sais pas comment ça va finir, ça va continuer cette saison-là, mais c'est vrai que ça c'est impressionnant de voir cette série négative, cette spirale négative se poursuivre, quoi. Pour ça, ils avaient gagné 3-0, on le rappelle, le 4 décembre contre Nottingham, on s'est dit tiens, ah, ça va repartir, ah non. Ah, on pensait, ouais. C'était un non. Non, c'est un petit peu un leurre, voilà, après il y a eu 2-2 contre Palace, perdu 2-0 la semaine dernière à Turin, et puis là ouais contre United, quoi, donc effectivement, puis en plus ce week-end c'est Villa, ça va pas être simple, puis après c'est le Boxing Day où ça va s'enchaîner, pareil, alors, ça va être une période particulière aussi, toujours ce Boxing Day, donc à voir comment ils vont gérer ça aussi, faire tourner l'effectif aussi, peut-être qu'il faut peut-être plus faire jouer de la jeunesse, ou peut-être plus de fougue, des joueurs qui ont plus envie que ça, et laisser au repos certains cadres qui finalement peut-être là pèsent un peu trop lourd sur la balance, mais ça, c'est sûr que la City, c'est une nouvelle défaite, un nouveau résultat qui les enfonce encore une fois beaucoup plus dans la crise, quoi. Ouais. Mais alors c'est vrai qu'au classement, quand tu regardes, c'est pas non plus, il y a que 3 points de retard sur le podium, mais c'est pas leur place habituelle, quoi. Enfin, c'est. Ah, mais ça pourrait être 12 points de retard sur Liverpool. Surtout. Ouais. C'est surtout ça, quoi. Le titre, là, il est presque joué. Inaccessible, hein, ouais. Finalement. C'est sûr. Là, 5 défaites en 16 matchs, City, on n'a jamais vu ça. Hein. Non. Donc, effectivement, c'est le podium, oui, est encore largement à portée, évidemment, de demain. Le titre l'est beaucoup moins. Ouais. C'est pas impossible, mais il faudrait effectivement faire. Faire renverser, oui. Deuxième partie de saison. Ouais. Ouais. Enfin, c'est la tendance, ouais. Et puis donc on avait un Nottingham Forest Villa aussi qui était intéressant, c'est Forest qui s'impose 2-1 qui reprend la quatrième place à City, ouais. Justement Aston Villa reste 6e avec 25 points et puis on avait Tottenham qui a gagné 5-0 face à Southampton qui est loin, qui est 10e, hein, mais Southampton du coup ça bouge puisque le coach a été démis de ses fonctions, hein, Russell Martin, après cette lourde défaite, et puisque Southampton est dernier, hein, avec 5 points. Et puis en direct, on avait aussi Bournemouth West Ham ce soir, et pour l'instant c'est 0-0. Et alors que quand on réduit l'écart 2-1 face à Dunkerque, et puis toujours 4-0 pour l'Inter, il reste 20 minutes. Bon, a priori, bon, ça peut encore bouger, mais le résultat on le connaît normalement. À 20 minutes, oui. De la fin, ça peut. Non, je pense que oui. Ça a peu de chance. Donc Liverpool donc 36 points, Chelsea 34 points, Arsenal 30 points, Nottingham est 4e, ensuite City 5e, 1 point derrière, Villa 6e, United 13e, seulement 22 points, très faible total pour l'instant. Et en bas, Ipswich, Wolverhampton, Southampton pour les relégables ce week-end. 17e journée, donc on a un match important encore pour City, Aston Villa qui est 2 points derrière. Hein. Ça peut, dans la série peut se poursuivre. Hein. Oui, ce que je disais, oui, c'est que ça ne peut encore pas être simple ce week-end pour eux. Hein. Non. Puis clairement pas, non. On a. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre comme match important ? Tottenham-Liverpool. Tottenham, effectivement, est 10e. Ouais. Voilà, après une victoire 5-0 comme ça, Liverpool, ça peut être un sacré match aussi. Ouais, donc ça, ce sera donc ce week-end. Donc pour cette nouvelle journée, puis après bah il y aura un match, on l'a dit, pendant les vacances, donc pour le Boxing Day. Voilà donc pour l'Angleterre, et puis je regarde très rapidement, il n'y aura pas de coupe pour l'instant. Si, il y aura pas la coupe, mais il y aura la coupe de la Ligue par contre en Angleterre cette semaine. Les quarts de finale, mercredi Arsenal Crystal Palace, Newcastle Brentford, Southampton Liverpool, alors Liverpool qui est sur tous les tableaux, hein, encore. Et puis enfin jeudi Tottenham United. Voilà, donc ça s'enchaîne encore pour Liverpool, hein, qui va avoir ce match. Bon, face à Southampton qui vient de perdre 5-0, qui est dernier, qui a perdu son coach, donc normalement pour Liverpool ça devrait pas poser trop de problèmes. On verra donc cette semaine les quarts de finale donc de la Coupe de la Ligue. Et on termine avec la, bien sûr, la France. On va essayer d'aller vite. Il est 22h23, on n'est pas en avance, mais on a vu pire. Très rapidement, national. C'est la dernière journée avant la trêve. Malheureusement, l'USO qui a perdu à Nancy hein, pour cette dernière journée avant les vacances. 1-0, qui a eu des occasions de revenir, mais qui s'incline. Qui reste troisième malgré tout avec 25 points. Qui laisse Nancy finir l'année premier avec 27 points. Et puis il y a Boulogne aussi qui s'intercale deuxième avec 27 points. Voilà, qui clôture cette belle année quand même. Et on a hâte de revoir cette année 2025 voilà, qui redémarrera le 10 janvier. Pour Orléans et qui ne jouera pas ce week-end en coupe hein, puisque la Coupe de France est finie aussi pour Orléans. En tout cas, pour l'instant, troisième. Un mot de Ligue 2 avec pour le moment Lorient, leader, qui reprend la place de leader après sa victoire face au Paris FC. C'était le gros match du week-end hein, entre le leader, le Paris FC, 31 points et Lorient qui était deuxième avec 30 points. Donc grosse affiche, c'est le Paris FC qui s'incline donc finalement. 2-0 voilà, face à cette équipe de Lorient qui prend la tête. Metz reste 3ème, 29 points, Dunkerque derrière. Et en bas, pour l'instant, on a Lastar, Clermont, Caen, Ajaccio et puis très loin derrière Martigues, 9 points seulement, qui va avoir beaucoup de mal à revenir. Et puis enfin, bah, la Ligue 1, bien sûr, c'était notre 15ème journée. On va faire court, on va faire bref hein, dans ces matchs. On commence avec Toulouse qui recevait Saint-Etienne, c'était vendredi. Bah Toulouse qui va mieux hein. Toulouse c'est vrai depuis quelques semaines voilà donc qui s'impose face à Saint-Etienne et qui enfonce Saint-Etienne par contre dans cette zone rouge hein, qui est 16e et Toulouse donc vainqueur 2-1 alors que c'est Saint-Etienne qui avait ouvert le score hein. Ils ont complètement inversé le match hein, les Toulousains. Ouais, exactement. Bah ils ont réagi vite hein, de toute façon hein. Saint-Etienne a ouvert le score à la 53e et Toulouse a égalisé 2 minutes après mais comme tu as dit voilà, t'as une équipe Toulouse qui est plutôt dans une forme constante même s'ils ont perdu récemment des matchs mais c'était ouais face à Paris Monaco hein. C'est logique hein. voilà mais c'est sur ça. Le reste avant ça il y a eu 3 victoires réaffilées, il y a eu une victoire face à Auxerre avant Monaco donc c'est ils sont ouais. Sur une période qui est plutôt intéressante, c'est ça exactement donc oui, ça a été assez logique de voir Toulouse de s'imposer à domicile face à Saint-Etienne qui est toujours voilà pas en grande forme et c'est compliqué effectivement pour eux. Ça va être une lutte pour le maintien, je ne sais pas jusqu'au bout, mais en tout cas c'est bien parti pour. Et c'est vrai que Saint-Etienne, ça reste compliqué. Et, on n'a pas l'impression en fait qu'ils puissent faire mieux que ça. Enfin, on n'a pas l'impression qu'ils peuvent proposer mieux. Donc. C'est sûr à voir aussi si bon, on connaît l'état aussi financier des clubs français actuellement, hormis le PSG évidemment et peut-être l'OM aussi. Voilà, mais c'est pour recruter, c'est compliqué aussi cet hiver et surtout de garder ses joueurs, ça c'est aussi le plus compliqué. Donc je suis pas certain aussi que pour des clubs comme Saint-Etienne, tu vois, on puisse revoir un visage meilleur en seconde partie de saison. Ou alors, il va vraiment falloir bosser à l'entraînement tactiquement et vous donnez beaucoup plus pour les joueurs, mais effectivement, pour l'instant, je vois pas Saint-Etienne proposer mieux que ce qu'ils font déjà. Quoi. Saint-Etienne, 16e, donc, soir de cette 15e journée. Le choc de samedi, c'est Marseille-Lille, qui était attendu. Pas de vainqueur, ça arrange évidemment personne. Marseille reste deuxième néanmoins, on le verra. Ouverture du score assez rapide dans le premier quart d'heure, et puis Lille qui va s'arracher pour égaliser dans les toutes dernières minutes et donc un partout du coup Marseille qui gagne pas de nouveau à domicile encore. Ouais, la mauvaise série reprend finalement. C'est vrai que c'est parce qu'il y avait la place pour l'OM d'aller chercher ce victoire là, ces 3 points là. Marseille a eu des occasions, Lille en a eu aussi bien évidemment, il y a eu beaucoup de un gros match de Geronimo Rulli, hein, le gardien ouais. Argentin marseillais. Donc voilà, en même temps, ce match nul est relativement logique, hein, honnêtement, sur la physionomie du match. Même si, ce match nul est logique, Marseille aurait pu gagner, Lille aussi. Voilà, effectivement, mais c'est 3 points quand même de rater, je pense, plus pour l'OM qui s'est procuré des occasions nettes. Et encore une fois, à domicile, avec un stade plein comme ça, c'est vrai que tu dois de faire une meilleure performance aussi. Et c'est vrai que j'étais un petit peu déçu aussi de la performance collective de l'OM aussi sur un match comme ça, important, comme tu l'as dit, cette affiche du samedi, contre un adversaire ouais, direct, on va dire ça, au classement quand même. Ouais. Donc, effectivement, c'est un nul qui n'arrange un peu personne. Mine de rien, parce que le PSG, alors je dis pas quand même joue le titre, mais le PSG prend toujours un peu plus d'écart, et mais effectivement, c'est un mauvais résultat pour Marseille, avec en plus bon un carton rouge en fin de match. Si les Rolas, c'est pas le titulaire indiscutable, mais c'est toujours un joueur en moins aussi à faire jouer, donc une solution en moins. Mais effectivement, c'est un mauvais résultat pour ces deux équipes-là. Et du coup, bah, le classement, c'est que Marseille reste deuxième, parce qu'on le verra après à l'Olympique de Monaco. Mais et Lille reste pas loin, à 3 points, donc ça reste serré. On va le revoir après au classement, mais ça reste quand même très serré. Tiens, 5-0 pour l'Inter. Voilà, le festival continue. Et Dunkerque qui refait le break 3. Donc il reste quelques minutes et pas de but en Angleterre. Un autre beau match des adversaires directs en tableau entre Auxerre et Lens. C'est Auxerre qui finalement revient dans le dernière minute 2-2. Voilà, match aussi sympa avec des buts. Voilà, Lens qui a mené deux fois, mais finalement à chaque fois Auxerre est bien revenu, et c'est vrai qu'Auxerre depuis quelques semaines, c'est vrai, réalise des belles performances. Et là, ils arrachent encore 2 points. Il y a eu 2 points, un point, pardon. Il y avait un point d'arraché face à Paris. Il y en a un autre face à Lens. C'est vrai que ça grappille quand même pas mal. Ouais, Auxerre, c'est un peu une équipe. Ouais, je suis chiant à jouer. C'est vrai qu'ils posent beaucoup de problèmes. Ils se sont imposés au Vélodrome d'ailleurs il y a quelques semaines. Ils ont mis une toise à Rennes 4-0. Donc c'est vrai que Auxerre, c'est bien remis d'un début de saison un peu chaotique où ils avaient perdu à Nantes, au Havre, contre Monaco, à Montpellier, notamment Montpellier qui est l'une des pires, enfin la pire équipe de Ligue 1 cette saison, mais ils sont bien remis depuis, donc effectivement c'est une bonne équipe au terre, très en forme, et effectivement ça va faire un beau choc contre Lens, contre deux équipes qui se valent hein, sur le papier et sur le terrain, donc effectivement ça donnait un beau score, et 2-2 ça reflète bien ça reflète bien finalement la forme actuelle de ces deux équipes, même si Lens va peut-être mériter un peu plus de gagner ce match-là, qui a un petit peu plus dominé, qui a un peu plus eu le contrôle du ballon, mais globalement c'est un score logique. Monaco qui finit la semaine un petit peu mieux que face à Arsenal, mais qui prend qu'un point encore, et qui on le verra, laisse Paris s'échapper, et qui avait l'occasion de repasser devant Marseille. C'est raté, pas de but dans ce match face à Reims. Monégasques qui ont été un petit peu à l'image de match face à Arsenal, en fait. Hein. On était un petit peu dans la continuité. Bon, c'est dommage hein, de pas gagner là pour essayer de rejoindre Paris quand même. Parce que bah, mine de rien, on va le voir, mais il y a 7 points maintenant. Je pense que la trêve arrive au bon moment pour Monaco, tu vois. Je pense que là, ouais, on s'est fait souffler un peu l'état de forme actuel, tout ça. Donc, je pense que c'est oui, la trêve arrive au bon moment. Après, tu me connais, en tant que supporter marseillais, je veux pas me plaindre. Hein. Oui, c'est bien sûr. C'est sûr. ça arrange aussi, mais effectivement, il y a toutes les équipes un petit peu du haut de tableau ont été un petit peu au ralenti ce week-end, mis à part le PSG. Du coup, on va en parler après. Mais c'est vrai que oui, il y a une certaine tête. Ça fait une fatigue un peu chez tout le monde. Là, ça y est, c'est, même si, évidemment, il y a moins de matchs de championnat avec ce championnat à 18 équipes. Mais c'est vrai que là, on sent une baisse de physique, on va dire ça comme ça. C'est vrai que pareil, on va le voir. Mais du coup, grâce à sa victoire, il bête à tout le monde 3 points. Parce que Marseille, Monaco, Lille, match nul. Lyon a perdu face à Paris. Nice, on le verra, fait match nul. Lens également, Auxerre en fait sur le top 8, il y a que Paris qui a gagné. Ouais, c'est vrai. Donc ouais. Il va mettre 2 points à tout le monde, quoi. Donc là, c'est un super week-end pour Paris. On va le voir. Nice, du coup, quoi, qui se déplaçait à Montpellier, qui a pas fait mieux que 2-2. Hein. Montpellier, pourtant, on le verra, donc dernier toujours avec 9 points, qui a réussi à revenir dans les dernières minutes. Et c'est un mauvais résultat hein, pour Nice, clairement, hein, qui avait l'occasion, du coup, avec tous les résultats qui étaient devant favorables, de revenir à un point de Lille seulement, c'est raté pour Nice, là, qui perd 2 points précieux. Montpellier qui prend un petit point, mais ça fait pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien. Donc pour ce Montpellier-Nice, Brest, C'est vrai que depuis quelques temps, on en parlait, hein, c'était très très bien Ligue des Champions, c'était moins bien championnat. Bah là, une belle victoire 4-1 plus avec des buts face à Nantes, qui du coup Nantes se rapproche dangereusement de la zone rouge, mais bah du coup Brest, belle semaine hein, en fait, avec cette cette victoire face à Eindhoven et puis une belle victoire bonifiée face à Nantes. Ouais, très bonne semaine. Mais c'est vrai qu'on le disait hein, en Coupe d'Europe, entre guillemets, tout allait bien. En championnat, c'était vraiment très en dents de scie, très moyen. Et donc oui, effectivement, ça fait du bien de gagner en championnat, de prendre ces trois points-là. Et en plus, oui, avec un vrai petit score, effectivement, infligé à Nantes, 4-1 à domicile, ça fait vraiment beaucoup de bien. Dans les têtes, mais aussi pour le goal average, parce que tu réduis forcément ton goal average négatif. Donc c'est bien pour Brest aussi qui a grappillé quelques places. Donc effectivement, c'est un très beau match de leur part, même si ça a été relativement serré. Hein. Nantes a aussi eu pas mal d'occasions de tirer au but, en tout cas, mais évidemment l'efficacité et le talent est plutôt côté brestois cette saison. Et effectivement, Nantes, attention, Nantes, c'est comme tu as dit, à un point de la zone rouge là, donc c'est attention à ne pas glisser trop bas pour Nantes là. Rennes qui s'éloigne un peu de cette zone rouge en gagnant face à Angers 2-0. Et c'est vrai, c'était un match aussi de mal classé. Angers bah, qui s'y rapproche de cette zone rouge. 2-0 donc pour les Rennais. Un match un peu similaire dans les classements hein, entre Strasbourg et Le Havre. C'est Strasbourg qui fait la meilleure opération en gagnant 3-0 face au Havre, donc il reste 17e. Strasbourg du coup qui repasse 13e, c'était un succès très important pour le Strasbourg. 3-0 en plus avec la manière. Et enfin, le Paris-Lyon donc d'hier soir et le PSG donc qui fait la meilleure opération du week-end hein, dans le haut de tableau, qui s'échappe avec 7 points d'avance sur ses poursuivants. Et bah, Lyon qui était voilà, qui avait une belle occasion hein, Lyon de revenir assez proche de ses poursuivants, de ses équipes qui sont juste au-dessus. Et ben voilà, c'est Paris finalement qui s'impose 3-1, hein, même si pendant un temps à 2-1 on aurait espéré peut-être pour les Lyonnais de d'égaliser, mais finalement Paris qui a été toi dans les dernières minutes. Ouais, bah on en a parlé un petit peu la semaine dernière, enfin entre nous en off, je voyais potentiellement Lyon pourquoi pas aller chercher cette victoire à Paris, parce que le PSG n'est pas dans une forme olympique en ce moment dernièrement. Lyon, au contraire, est plutôt bien, joue bien, fait des bonnes performances que ce soit en championnat comme en Coupe d'Europe. Donc je voyais bien Lyon, pourquoi pas faire proposer un match piégé au PSG, même à Paris, même au Parc des Princes. Et au final, non, Lyon, je pense on va faire beaucoup cette expression-là, mais je pense que Lyon a laissé pas mal de plumes quand même cette semaine contre Francfort. Et ce qui fait que voilà, ils n'ont pas pu enchaîner sur de poil aussi, ouais, surtout effectivement, mais ouais, c'est un peu trop compliqué d'enchaîner deux gros matchs comme ça d'affilée pour eux. Voilà, puis c'est un pareil qui est finalement revigoré en ce moment, depuis en tout cas cette victoire contre Salzbourg. On a vu quand même un beau PSG, même si encore a eu un peu de raté, mais trois buts ou une belle fois avec un très bon Désiré Doué par ailleurs hein, qui a poussé en tout cas sur ce match-là sur le banc Bradley Barcola. Ouais, tout à fait. Et pour le coup, c'était un coaching payant, ouais. C'était un coaching payant, effectivement. Il a pas marqué Doué, mais il a été très très important, décisif, évidemment. Ouais. Il a été extrêmement décisif. Il a notamment fait une passe D, justement. Donc un match ouais, plutôt plein, comme du PSG, qui a globalement géré cette rencontre. Contrairement à Lyon, ouais, qui était à un petit niveau en dessous sur ce match-là. Mais comme je l'ai dit, ils ont laissé effectivement beaucoup de jus contre Francfort en Coupe d'Europe jeudi. Donc voilà, c'est un résultat logique, hein, mine de rien, pour le PSG, mais c'est plus que, comme on disait, c'est plus que 3 points. Hein, quand on voit, oui, effectivement, tous les adversaires derrière qui ont fait que des mauvais résultats, le PSG, oui, ça sera un petit nuage. J'ai pas compris la fin, pardon. Ça sera un petit nuage en championnat, quoi. Ah bah oui, il a 7 points. Il gère tranquillement. Hein. C'est clair. Ouais, c'est là que tu vois peut-être un peu malheureusement la bassesse un petit peu du niveau de la Ligue 1 cette saison. C'est que ce PSG là qui est finalement l'un des plus l'un des moins talentueux on va dire de ces 10 dernières années, il roule quand même presque sur la Ligue 1, donc c'est vrai que c'est dommage de voir que cette Ligue 1 là n'est pas plus compétitive même à ce moment là quoi, de cette période du PSG, c'est dommage. Donc Paris donc avec 37 points, on a ensuite un Marseille Monaco 30 points, Lille 27 points 4e, Lyon est 5e 25 points, Nice 24 avec Lens Auxerre 8e et du coup en bas, on a Angers, Saint-Étienne, Le Havre et Montpellier. Les pronostics avant de clôturer donc de la semaine, on a ça n'a pas été un gros par rapport à la semaine d'avant. Le week-end d'avant a été prolifique, là beaucoup moins, parce que le week-end d'avant 7 partout d'ailleurs sur la journée d'avant, gros score, on a loupé que deux choses hein, mais c'était, et bravo pour le 2-0 pour le score de Saint-Étienne Marseille, et donc là 4-2 seulement. Pas de gros score. Ah, t'as marqué 4 points, toi ? Bah ouais, le Marseille-Lille, match nul, là, je l'ai tenté, qui est passé. Ouais. Et puis après, c'était que des petits matchs. Le Toulouse, le Rennes et le Havre. Mais tous les autres gros matchs, pas de points. J'avais tenté le match nul sur Paris-Lyon, mais ça n'a pas marché. En tout cas, le bilan à la trêve. Alors, la trêve, il reste deux journées officiellement avant vraiment la moitié de la saison. Mais avant la trêve hivernale, ça est encore très serré. Hein. 11 victoires à 10 pour moi et 69 points à 66. Donc, tu es toujours dans le coup. C'est un peu, en fait, c'est le même bilan que la fois d'avant en termes d'écart. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais du coup, très serré. Et on va pas pronostiquer la 16e journée, mais juste un match de cette 16e journée, c'est Monaco-Paris, puisque ce sera mercredi. Est-ce qu'on fait un score exact ou pas, du coup? On peut faire un score exact, voilà. Il y aura Marseille et Le Havre hein, du dimanche soir, mais on peut quand même faire un... Ça fera un petit point bonus, quand même, comme il n'y a que ce match. Ouais. 21h mercredi, donc ce match avancé, puisqu'il y aura le Trophée des Champions début janvier. On va jouer sur 11 points cette journée. Au lieu de 10. Ouais, parce que après la suite de la journée, c'est quand même le 3-4-5 ouais. janvier, donc c'est quand même quelques temps. Quoi. C'est ça. Et vas-y, je te laisse parler du coup, le premier. Oui, écoute, je vais tenter un 2 partout. Pourquoi pas ouais. C'est pas. Pas proposé, forcément, ouais. Ouais, ouais. Ok. C'est pas simple ce match. Avec Paris vient de gagner, Monaco est sur une mauvaise semaine. Mais c'est vrai que là, pour le coup, si tu perds, Paris, c'est fini. Hein. 10 points, tu les revois plus quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, Monaco les revoit plus. Après Marseille peut-être, mais. Ouais. Ça me semble compliqué. Donc là, il faut absolument accrocher quelque chose. Allez, je tente un 2 hein, pour Monaco. J'ai envie d'y croire, mais au vu de la semaine passée et de l'effectif présent et avec les blessures, ça me paraît compliqué. Mais on ne sait pas. Ils vont peut-être surbiffer et aller chercher un bon résultat. Là, ce serait bien de gagner et de revenir à 4 points. On verra. En tout cas, donc mercredi 21h pour cette rencontre. Et voilà, on va gagner du temps du coup. On n'a que ce match-là pronostiqué. Et pour le reste, la semaine qui nous attend, alors que l'Inter c'est pas terminé, mais ça va bientôt être le cas. 6-0, hein. Pour là, c'est la débandade. Hein. Avec Marcus Thuram. Et hier, c'est 6 buteurs différents, c'est assez rare. Et c'est Marcus Thuram le dernier buteur. Enfin, pour l'instant, il peut y encore y avoir des buts. Je sais pas s'il y aura beaucoup de tournois, il y a 92, donc ça va bientôt se finir. Et Dunkerque a gagné 3 finalement. Donc, dans cette rencontre. Et puis, Bournemouth-West Ham 0-0. Il reste un peu moins de 10 minutes. Mais voilà. En tout cas, l'Inter, là, qui soigne sa différence de but en plus, qui revient 3e. À 1 point de Naples et à 3 points de Bergame. C'est un très très bon résultat pour l'Inter. Donc, cette semaine, donc, on aura, la Coupe de France, ce week-end. Donc, ça démarre vendredi. Notamment, joueront vendredi, Lille, qui ira à Rouen. C'est le seul club de Ligue 1 vendredi. Ensuite, c'est samedi. On aura pas mal de rencontres samedi pour Toulouse, pour Montpellier. Lorient ira à Tours, l'un des derniers représentants de la région centre. On aura Nice qui ira à l'extérieur, en Corse. On aura Lyon qui ira à l'extérieur aussi. Et puis dimanche, donc il y aura un multiplex 14h45, et notamment quatre clubs de Ligue 1. Il y aura Saint-Étienne-Marseille, donc 5 du coup, parce que ce sera une confrontation entre Ligue 1, Saint-Étienne-Marseille. Il y aura Monaco qui ira à l'Union Saint-Jean à l'extérieur, Auxerre-Dunkerque, Reims qui ira à l'extérieur et Bordeaux-Rennes. Voilà. Donc aussi comme affiche. Et puis pour finir dimanche soir, Lens Paris, l'affiche de cette journée, de ces 16e, de ces 32e même, ce sera dimanche soir. Voilà, et puis on aura le tirage au sort qui aura lieu à 20h dimanche hein, pour connaître les affiches des 16e. Voilà donc pour le foot en France. Et puis bah, on l'a dit, hein, il y a des journées dans l'Europe hein, un peu partout. Et de la coupe aussi en Angleterre, la coupe de la Ligue. Voilà pour le foot. Pour le reste, le rugby, on jouera une journée de top 14 ce week-end. On aura du basket pour la Pro B se poursuit à Orléans, qui va jouer à l'extérieur. Ce sera Rouen pour l'avant-dernière journée de l'année. Et puis en handball, le Saran jouera, qui va essayer d'enchaîner un 7e succès. Ce sera vendredi à domicile. Ce sera face à Dijon, voilà, pour essayer de finir l'année aussi avec un nouveau succès et à se rapprocher du podium. Voilà la semaine. Et puis en biathlon, ce sera l'étape en France à Annecy, le Grand Bornand pour le week-end de biathlon. Voilà ce qui nous attend toute la semaine. C'est fini, je vérifie. Oui, c'est quasiment fini. Il reste 3 minutes encore du tour additionnel, mais ouais, ça va se terminer à 6-0 hein, pour l'Inter. C'est fou quand même. Ce score, enfin on s'attendait une victoire peut-être, ah c'est fini à l'instant, mais de là à 6-0 ça fait quand même beaucoup hein. Bon, surtout que la Lazio joue quand même est plutôt bien classée déjà, mais c'est étonnant. Elle produit un beau football quand même depuis le début de saison, donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir une aussi grosse différence sur le terrain ce soir, ouais c'est sûr. Voilà, en tout cas fin de cette rencontre. Du coup on va se quitter là-dessus. Je te laisse choisir le dernier titre, et puis on se retrouve lundi prochain. On est là hein, pendant les... Alors évidemment, on finira à l'heure, ça c'est sûr, peut-être même plus tôt. Alors quoi que là, il y a encore des championnats, mais pour le lundi suivant, ça va y avoir beaucoup moins de choses. Mais en tout cas, lundi 23, on sera là. Oui, on sera là, j'ai voulu confirmer l'heure, puisque on aura... Donc Manu qui sera pas là sur l'émission précédente. Mais on sera quand même là à 20h30. Et je te laisse choisir pour terminer le dernier titre. Écoute, je te propose Stereo Love d'Edouard Maya et de Vika Djigulina. Et on finit avec ça et on se quitte sur ce son. Et on se retrouve lundi prochain, donc 20h30. D'ici là, bonne soirée à vous, bonne semaine. Merci Hugo, à lundi. Merci à toi, à lundi, bonne semaine à tous. Et vive le sport, ciao ciao. Ciao. tentar o segundo para ficar mais tranquilo. Estrela ainda com um zero pode sonhar. Bola para o guarda-redes do Porto.